radio, debout radio. Debout radio, debout radio. Debout radio, debout radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Debout. On est le 19 mars, il est 20h, on vous parle en direct depuis la place de la République à Paris. Il y a beaucoup de monde en ce moment, il y a notamment les manifestants contre la loi travail, parmi eux les cheminots qui sont avec nous aujourd'hui. Avant de commencer cette émission, il faut rappeler que la place, on vient de la récupérer en fin d'après-midi. Ce matin, le syndicat policier Alliance a privatisé la place de la République pour protester contre, je cite, la haine anti-flic. Depuis 11h, la place était inaccessible à tout le monde, sauf aux journalistes munis d'une carte de presse et aux policiers. Les manifestants contre les violences policières qui étaient présents en réponse à la manif des policiers ont eux aussi été rejetés aux abords de la place. Et en début d'après-midi, Alliance a été rejoint par certains membres du Front National, dont Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard. Interdire l'accès à un espace public à la place de la République, c'est tout un symbole et c'est un message violent, antidémocratique et répressif envoyé à Nuit Debout et à tous les citoyens présents chaque soir ici depuis bientôt 2 mois. Mais les nuits restent debout et Radio Debout avec. Au programme de ce 79 mars, le biologiste Jacques Testard, défenseur de la démocratie réelle et de la science contenue dans les limites de la dignité humaine, sont invités aussi Éric Fassin, professeur et chercheur en sciences politiques, et l'écrivain et éditeur Éric Hazan, qui a notamment signé les tribunes appelant à manifester le 29 novembre, malgré l'interdiction provoquée par l'état d'urgence, et à soutenir l'occupation des places en protestation à la loi de travail. À 21h, on retrouve Mathilde de RPP. Elle fera un point hebdomadaire avec la commission féministe et ils accueilleront le groupe de rap Rappel et elles nous feront sûrement une petite démo de rap. Et on démarre cette émission avec Jean-Claude Amara et Samantha de RFPP. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité ? Ben oui, bonjour. Ben, je suis très contente que Jean-Claude Amara soit là avec nous, surtout sur FPP. Mais les gens de FPP te connaissent quand même. Depuis 20 ans que Droit Devant existe. FPP, on te connaît très bien, mais peut-être que les personnes nouvelles à ce mouvement connaissent pas très bien, commencent à connaître, mais ne connaissent pas très bien le mouvement de Droit Devant et le parcours que vous avez fait ensemble. Donc vous avez commencé en 95. Oui, on a commencé en 1995, mais avant, en 1990, on était une poignée de militants à avoir créé Droit au Logement, le DAL. Vous étiez cofondateur avec nous. Cofondateur, oui, avec DAL, d'autres aussi. Camarades. Et ça fait maintenant 26 ans que la lutte a commencé. En 1995, on a mené une très très grosse opération en occupant un squat de 12 000 m² en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon. Et là, je retrouve à Nuit Debout justement un petit peu les ferments de ce qu'on avait mis en place à cette époque-là. C'est-à-dire que dans ces 12 000 m², En dehors des 230 mal logés sans logis qui avaient squatté l'immeuble, on avait installé une université populaire. Il y avait 52 ateliers où se rejoignaient des artistes, des philosophes, des sociologues. Et c'était un creuset, c'était des vraies rencontres, des débats, des forums débats incessants. Et entre cette rue du Dragon et Nuit Debout, je retrouve des réminiscences vachement intéressantes et des germes qui continuent à pousser. Et pour nous, c'est vachement satisfaisant parce que depuis plus d'un quart de siècle qu'on est sur le terrain des luttes aux côtés des mal logés, des sans logis, des sans papiers, des luttes internationales très dures auprès du peuple palestinien, notamment parce qu'on s'est engagé auprès du peuple palestinien depuis de nombreuses années. Toutes ces luttes qui ont drainé nos 25 ans d'existence. On sait qu'aujourd'hui il y a eu des victoires, bien sûr qu'il y a eu des échecs, mais on sait aussi que toutes ces luttes ont permis d'élargir et surtout de combattre le poison de la fatalité qu'on essaye de mettre dans la tête de ceux qui subissent. Il y a aujourd'hui des comités de mal logés un petit peu partout. La lutte des sans-papiers est rentrée dans le cadre des luttes sociales de ce pays. Donc on sait qu'il y a une émulsion qui s'est faite et la concrétisation de ces Nuits Debout avec la lutte des précaires, avec la lutte des pauvres, avec la lutte des sans-papiers, avec la lutte des migrants, des mal logés, je crois que c'est fondamental pour l'avenir. Ah oui, c'est en fait ce que tu étais. Enfin, là, en ce moment, vous avez fait. Là, vos actions en ce moment, vous avez occupé le lycée Jean Jaurès. Donc ça, c'est vraiment les sans-papiers. Ça, c'est les migrants qui sont... Pour mettre en lien avec les migrants. Exactement. C'était faire une convergence, en fait, de ces personnes, pour que, justement, droit devant, les aide déjà à être ensemble et à définir leur futur immédiat. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ce qui est important, c'est qu'il y a une stratégie politique qui essaie de diviser en deux morceaux ce qu'ils appellent les migrants politiques, ceux qui viennent d'arriver à cause des guerres, comme si ceux qui essaiment la guerre et la misère à travers le monde n'étaient pas les mêmes. Et d'un autre côté, les réfugiés économiques qui sont appelés les sans-papiers. Bon, pour nous, en fait, le sans-papier d'aujourd'hui, c'est évidemment le migrant d'hier, et le migrant d'aujourd'hui sera le sans-papier de demain. Donc le travail à faire, parce que c'est un long travail, il faut abattre les parois de la méconnaissance entre les uns et les autres. C'est pas toujours forcément évident, mais lorsque les sans-papiers viennent à Jaurès pour soutenir les migrants qui occupent ce lycée, que les migrants viennent à Droit-Devant rencontrer l'Assemblée Générale de Droit-Devant des sans-papiers, pour nous aujourd'hui, l'important c'est de faire des ponts entre les uns et entre les autres, d'unir les forces et sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi ? C'est les papiers, évidemment, mais c'est aussi et surtout le fait que chacun ait sa dignité, marche la tête droite et arrête d'être traité comme des détritus humains, comme on le voit à Stalingrad ou on le voit dans d'autres endroits. On est allé à Calais il n'y a pas longtemps avec des sans-papiers. Les sans-papiers, c'est une lutte très dure, mais quand les camarades sans-papiers ont vu les conditions des camarades de migrants qui étaient à Calais, ils se sont dit, oui, effectivement, nous, on se bat, on souffre, mais là, il y a encore pire. Donc, il faut faire des liens. Et ces liens-là, c'est comme ça qu'on obtiendra le respect de l'égalité des droits. Bravo, chapeau. Juste pour revenir sur une action que vous avez faite il n'y a pas si longtemps, vous avez occupé la Direction Générale du Travail. Donc c'était quelques sans-papes qui sont allés occuper carrément, donc sans peur de se faire embarquer direct à Orly. Qu'est-ce que vous avez obtenu de cette lutte ? Parce que ça a été une victoire, par contre. Oui, c'est une victoire, comme celle qu'on a eue en 2008-2009, quand on a obligé le gouvernement à reconnaître les travailleurs sans-papiers. Aujourd'hui, les travailleurs sans-papiers, il y en a plein maintenant qui sont régularisés grâce aux grèves des travailleurs sans-papiers qui ont été lancées en 2008-2009 avec Droit-Devant, et puis il y a aussi la CGT. Mais là, on va plus loin. Quand 400 sans-papiers vont occuper pendant 2 jours et 2 nuits la Direction Générale du Travail, c'est-à-dire le ministère du Travail, on est au cœur du gouvernement. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais attends, les sans-papiers, ils prennent des risques et tout. Mais bien sûr qu'ils prennent des risques, mais des risques assumés. On n'a pas, nous, en tant que militants, des relents de colonialisme qui tendraient à la verticale de dire que vous, les sans-papiers, n'allez pas vous mettre là, c'est risqué, etc. Les sans-papiers sont autonomes. C'est des luttes autonomes qu'on mène depuis 20 ans avec eux, 25 ans avec les mal-logés, etc. Donc, il n'y a pas de leçon à donner. La répression. Bien sûr. Voilà. Mais ce qu'ils disent, eux, c'est qu'on n'a plus rien à perdre, mais on a tout à gagner. Donc, quand on est organisé, quand il y a une vraie détermination collective comme celle de ces 2 jours d'occupation du ministère du Travail, le cœur donc du gouvernement, la force de la répression est devant les 400, tu vois. On aurait été 50, 60, 70, 80. Oui, certainement que les sans-papiers seraient fait embarquer. Là, avec ces forces-là, c'est sûr que là, la répression, elle n'a pas... Bon, voilà. Donc, le résultat, il est qu'on a obligé le gouvernement à céder. Ce bras de fer, il est gagné. Mais vous avez obtenu quoi, en gros ? En fait, les sans-papiers, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le jour de l'occupation, ils voulaient qu'on quitte les lieux pour nous recevoir. Les sans-papiers, à l'unanimité, ont dit non. Et on est resté pendant l'occupation, alors qu'une délégation a été reçue au ministère du Travail, dans la grande salle des accords de Grenelle. de 1968. Donc ça, c'est extraordinaire parce que 400 travailleurs sans papiers dans cette salle des accords de Grenelle de 1968, qui c'est pas n'importe quoi au niveau de l'historicité, c'était quand même excessivement symbolique. Et là, le gouvernement donc a cédé. Et à partir de la semaine prochaine, on rentre en négociation pendant 4 dates, avec les sans-papiers autour de la table, bien entendu, pour élargir considérablement le champ des régularisations de tous ces sans-papiers qui aujourd'hui, de toute façon, sont réduits au niveau des régularisations à une infime portion. Donc voilà, c'est par ces luttes collectives qu'on arrive à mener à obtenir des résultats, comme au niveau du DAL, hein, quand on a occupé des immeubles de la Banque de France, des compagnies d'assurance comme le GAN, l'UAP, des gros marchands de biens, etc. Ben, la lutte des mal-logés, elle a avancé aussi. Bah oui. Alors, les autres victoires, là, comme ça, on va faire un petit décompte des belles victoires que vous avez eues en 25 ans. Ben, moi, je pense que les victoires, elles ne sont pas à compter en termes... comment dire ? Il y a eu, pendant ces 25 ans de lutte, évidemment, des échecs, il y a eu des victoires. Mais les victoires principales, à mon avis, ce n'est pas celles qui sont obtenues de facto. Je pense que les victoires qu'on obtient, c'est celles de permettre à ceux et celles que un système impitoyable essaye de ravaler aux marges de la citoyenneté en tant que zantro, comme disait Albert Jacquard, c'est-à-dire au rang d'inutile, de faire que ces têtes se relèvent à partir du moment où on passe du « je » au « nous » et que ce « nous » devient un collectif qui agisse avec un objectif commun de combattre ce gouvernement, de combattre cette oppression, cette chasse aux pauvres et d'obtenir des droits. Je crois que c'est ces ferments qui ont été semés depuis 25 ans qui sont les victoires les plus probantes. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est touchant, parce que c'est vrai qu'on lutte tous les jours, il y a beaucoup qui baissent les bras quand même, qui ont du mal à tous les jours se dire non, on continue. Et ça, là, je vois vos démarches et vos actions là, depuis. C'est pour ça que je suis contente que tu sois là à Radio Debout, tu vois, pour cette nouvelle, disons, ces personnes qui peut-être commencent tout juste à découvrir un mouvement et des luttes avec lesquelles ils peuvent participer, ils peuvent s'engager, ils peuvent... Et donc, oui, donc ce mouvement, alors, ce mouvement de Nuit Debout. Ben, nous, ce qui nous intéresse énormément dans Nuit Debout, c'est, je te dis, la référence à ce qu'on avait en avant-garde fait rue du Dragon. Ce qui nous paraît important, c'est ce côté transversal de ces rencontres, ce côté d'éviter ces pyramides de pouvoir. On sait qu'aujourd'hui, l'avenir, il est au réseau, il n'est plus au côté pyramidal, encore moins du parti politique qui doit de toute façon disparaître. Donc aujourd'hui, c'est clair que là, on sent bien qu'il y a une volonté, non pas simplement de se battre contre la loi El Khomri, ça c'est le point de départ, mais on sent qu'il y a une volonté énorme de changer totalement et systématiquement ce pouvoir pyramidal, cette prise de pouvoir pyramidale. Il faut inverser en fait la pyramide des pouvoirs. Et c'est certain que la souveraineté populaire, elle ne sera pas obtenue aujourd'hui par les partis politiques, quels qu'ils soient, qu'il soit dit de gauche ou de droite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en plus, ça brasse, bon, peut-être pas encore suffisamment par rapport au quartier, par rapport, etc., mais néanmoins, ça brasse autant de jeunes que des vieux que des vieux tromblons comme nous. Oui, mais nous, on a fait ce qu'on a pu, pipi, voilà, bon, après, on fera autre chose. Voilà. Non, mais ce qui nous importe, c'est que vraiment, c'est pas du tout du 68. En 68, quand on était sur les barricades en 68, on avait 20 ans, on voulait changer complètement une société, les couleurs d'une société. Là, aujourd'hui, il y a un véritable désir de changement de société au niveau culturel, au niveau spirituel, évidemment, enfin au niveau intellectuel. Mais il y a aussi le fait de ce changement de société il soit relié intimement au quotidien et sur la durée avec les luttes sociales, avec tous ceux et toutes celles aujourd'hui qui subissent l'inégalité des droits, l'oppression, la répression au quotidien. Et je pense que ce lien entre Nuit Debout, je le disais tout à l'heure, et la lutte des mal-logés, des sans-papiers, des migrants, il est fondamental. Et c'est comme ça qu'on avancera et qu'on construira autre chose. Derrida, quand je discutais avec Pierre du Dragon, il y a 20 ans, il disait qu'à partir d'un certain moment, il y aurait une sorte de révolution rhizomique. On est en fait sur du rhizome qui est aujourd'hui en train de poindre à travers cette place de la République, à travers Nuit Debout et à travers ces lucarnes d'espoir qui s'ouvrent et dans lesquelles nous, on s'engouffre allègrement, avec joie, avec fête, parce que la lutte, c'est aussi une fête, hein. C'est pas la tristesse. Et c'est pas simplement de lever le poing de Bastille à Nation, c'est aussi de chanter, de réciter de la poésie, la création, la culture. Il faut que tout soit ça relié. Et nous, les ferments qu'on retrouve à Nuit Debout, ben, c'est exactement ce qui nous plaît et ce qui nous convient. Merci. On va passer à l'AG un petit peu. Et donc, on les voyait, les policiers partir, et on les charriait avec notre musique. Et le gars, il a chanté la chanson qui s'appelle, vous la connaissez, mais il a travesti en disant « Dans la jungle, vous la connaissez, dans la jungle, le grand PS est mort ce soir. » Et c'était vraiment formidable comme chanson, avec le chant du coq et tout le reste, et les tam-tams. Et vers 3 heures passées, la place est complètement vidée. Et à ce moment-là, on avait beaucoup de jeunes qui étaient revenus. On a dit qu'il faut aller réoccuper la place de la République, mais comme ils ne voulaient pas nous laisser passer là. Donc, certains jeunes sont partis en groupe en disant « On va à pied, on fait le tour et on arrive par avenue de la République. » 2 secondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont couru derrière eux, ils ont fermé les rues derrière, et ils les ont attendus là, et ils les ont nassés là devant Darty. Ils les ont nassés pendant Darty ou la Fnac, je ne sais plus, bon, là-bas. Ils les ont nassés pratiquement jusqu'à 4 heures et quelques, et alors que la place était libre et les gens pouvaient commencer à venir rentrer par là. Et il y avait un scellé là, dans cette rue-là, jusqu'à à peu près 4 heures où ils ont relâché. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui l'ont embarquée par les cheveux violemment parce que le seul truc qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas sa carte d'identité. Voilà, en gros, tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette journée-là. Mais n'oubliez pas, enfin, je vous rappelle, nous, on l'a pas vu, mais on l'avait appris par les journaux et tout ça, qu'il y avait Marion Le Pen avec Benjamin Machin qui était bien accueilli avec la police. Voilà, merci. Merci Kader. On va faire rapidement un petit point technique avant du... on va faire d'abord un petit point technique parce qu'il y a une opposition radicale et on va l'écouter un peu aussi, l'opposition radicale, mais d'abord le point technique. Oh oui, c'est très rapide, c'est juste que comme d'habitude, on manque beaucoup de gens à la modération pour la deuxième partie de soirée, donc de 20h30 à 23h. On n'a pas de facilitateur, on n'a pas de preneur de tour de parole, on n'a pas de chrono et on n'a pas de modérateur. Enfin, on n'a vraiment personne. Donc, je vais passer là dans la foule parmi vous. N'hésitez vraiment pas à inscrire votre nom, c'est une expérience intéressante. Et nous, on est là, quelques-uns qui sommes là assez souvent, pour vous expliquer comment on fait. C'est pas compliqué et c'est chouette. Donc voilà, je passe parmi vous. Merci. Voilà. On va continuer avec un... comment vous appelez-vous? Oreste. Ah, monsieur Oreste, et pour continuer ce qu'a dit Kader auparavant, et il va faire une opposition radicale. Il y a un temps limité, mais il va le faire, cette opposition musicale. Alors, je vais contre ce qu'on pourrait dire d'une façon inexacte la nature. Che déjà è très frustré de la règle de 2 minutes ou 3 minutes. Et ici, l'opposition radicale, ça fait 1 minute, c'est-à-dire une pilule plus qu'homéopathique, comme la mémoire de l'eau. Mais je vais dire, je vais attirer l'attention du camarade Kader. Je pense que je comprends sa passion et j'espère qu'il ne s'offusque pas. Mais je voudrais dire que la tentation d'élire des événements sur lesquels on peut avoir les points de vue les plus divergents, ouvrir les controverses les plus complexes, mais tomber dans ce type de dispositif qui est toujours le conspirationnisme, de voir pourquoi le mec était là à se faire rôtir et pourquoi l'autre mec venu de je ne sais pas quelle planète, il était là exactement à ce moment. Ça, je comprends que c'est très spontané, c'est très trop humain. Mais là, c'était en plus une arme typique. Je n'ouvre pas la discussion sur les boucs émissaires. Ça a alimenté toutes les diversions du pouvoir, toutes les pogroms, toutes les trucs qui essayaient de défouler le mal de vivre des gens contre des objets. C'est comme des superstitions qui maintenant sont ultra modernes. Ce n'est pas celui-là qu'on pouvait avoir dans des traditions villageoises. Je veux dire, si on raisonne comme ça, pour rester à l'Europe, depuis la guerre sociale à Rome, Spartacus, etc., tout peut être interprété comme un complot, une conspiration des uns des autres. C'est infini et on finit pour s'étrangler nous-mêmes. Ce n'est pas possible se laisser aller à cette tentation, camarades très humains, mais qui finit pour nous réduire à nous asphyxier nous-mêmes. Permets-moi, c'est une réaction. Après, je m'inscris pour les 2 minutes plus tard. Alors, on est avec Jean-Claude Amara, porte-parole de Droit Devant. En fait, Jean-Claude, je t'avoue, la première fois que je t'ai vu, c'était sur un grand écran en noir et blanc. C'était en regardant La Commune, Paris 1871, un film incroyable de Peter Watkins qui a utilisé des gens, des vrais gens, pour non pas reconstituer la Commune, mais pour faire un parallèle entre l'histoire de ce qui s'est passé en 1871 et aujourd'hui. Bon, là, c'était en l'an 2000. Et on te voit avec ta belle tignasse au bistrot communard, parler, débatter, etc. Comment tu t'es retrouvé dans ce film ? Ben, c'était intéressant parce que moi je suis binational franco-algérien et quand j'ai rencontré Peter Watkins qui était venu à Droit Devant pour qu'on travaille ensemble, il nous avait projeté un film et il y avait, j'avais lu un bouquin à l'époque sur l'implication des révolutionnaires algériens contre la colonisation qui avaient été donc obligés de fuir le pays, c'était la révolte d'El Mokrani. Et beaucoup de ces Algériens avaient rejoint les rangs des communards. Hein. Et ce lien entre les insurgés de là-bas et les insurgés d'ici, c'était quelque chose d'excessivement fort que Peter ne connaissait pas. Et c'est pour ça que ça s'est inscrit dans ce film. Et en parlant de la Commune, justement, ce que c'est les vertus justement de cette constitution de la Commune, même si ces semaines, cette semaine sanglante, les Versaillais ont pu vaincre cette Commune. Mais néanmoins, comment retrouver au fur et à mesure un souffle rompu que le capitalisme, l'impérialisme, avec tous ses artifices, a pu atténuer, a pu estomper, mais comment retrouver ces vertus justement de transversalité, de souveraineté populaire à travers la Commune d'hier, de 1789-93, etc., et de les retranscrire aujourd'hui. Il faut relire la Constitution, le projet de Constitution de Saint-Just, hein, de 1793. Bon, voilà, il y a plein de choses à prendre à hier. Ce qu'il y a eu à chaque fois, c'est que ce système a toujours eu une certaine forme de perversité pour éviter que le souffle révolutionnaire d'hier n'embrase celui d'aujourd'hui. Donc il faut se replonger dans ces vertus des luttes qui ont été, même si elles ont été vaincues, qu'importe, elles ont laissé des germes, et se référer à cette lutte des communards. Mais oui, et donc, je me rappelle aussi, dans le film, il y avait, ils ont inclus dedans, parce que ça se passait en même temps, Non, ça se passait pas mal. Rue Saint-Bernard, enfin, il y a eu une occupation. Oui, oui, il y avait effectivement eu l'occupation de Saint-Ambroise. On avait fait comme si c'était à ce moment-là. Bah, la lutte des sans-papiers, elle a 20 ans cette année. Hein. C'était en 1996, 18 mars 96. Après, il y a eu l'expulsion de Saint-Bernard. Et ça s'était inscrit effectivement dans le film, oui, tout à fait. Bon, ben écoute, Jean-Claude, je crois que c'est la fin de cette intervention. Merci bien. Hein. Et puis, tu sais que t'es bien évidemment super le bienvenu. Les portes ouvertes à FPP quand tu veux, parce qu'on t'avait pas vu depuis un moment. Et là, c'est super chouette que tu sois venu à Radio Debout. Merci à toi. La lutte continue et la lutte est belle. La lucha hein. Continua. Viva la lucha. Merci. Samantha et Jean-Claude Amara, vous êtes toujours sur Radio Debout, place de la République, et on accueille tout de suite Abdou. Bonjour Abdou. Bonjour. Vous allez nous faire un point sur les mobilisations qui ont cours en ce moment sur l'île de Mayotte. Oui, en ce moment sur l'île de Mayotte, il y a donc des expéditions punitives à l'encontre des autres Comoriens. À Mayotte, parce que vous savez, Mayotte est sous administration française, ou les Comoriens considèrent sous occupation française, mais c'est une île reconnue par les instances internationales comme étant une île comorienne. Et donc actuellement, il y a un mouvement donc, de répression coloniale, et donc il y a eu des dénonciations contre les autres Comoriens à Mayotte, des humiliations, des violences, des expulsions sur cette île comorienne occupée par, en tout cas, les autorités françaises ou l'administration française. Et là, je reçois avec moi les responsables du CEDISCOM, c'est le collectif de défense de l'intégrité et la souveraineté des Comores. Je reçois Ahmed Ali Mabadi, bonjour. Bonjour. Et Moustapha Abdourraouf, bonjour. Bonjour. Vous pouvez expliquer en gros pour les auditeurs le problème de Mayotte, c'est quoi exactement pour que les auditeurs puissent comprendre, parce que eux ils entendent par les médias officiels que Mayotte est une île française et qu'il y a des problèmes avec les étrangers. Quel est le problème justement de Mayotte actuellement sur le plan donc officiel, enfin bon, ou institutionnel? Donc bonjour. Donc pour situer globalement la géopolitique de cette région, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Les Comores sont composés de quatre îles qui ont accédé à l'indépendance en 1974. Et en 1975, le pays a été reconnu par les Nations Unies comme étant composé de quatre îles, dont l'île de Mayotte. À partir de là, en 1976, l'État français, sous l'instigation de la droite extrême de l'époque, a voulu garder Mayotte dans son giron et donc a organisé un référendum réputé illégal au regard du droit international. Et donc, voilà, nous sommes plus de 40 ans plus tard dans un état d'occupation par la force. Malgré plusieurs dénonciations, malgré des résolutions des Nations Unies qui veulent faire prévaloir le droit international. Et donc, c'est quoi cette histoire d'étrangers ? Nous sommes ici pour dire la responsabilité de la France coloniale, à savoir que le fait de dire que des Comoriens qui sont originaires des autres îles sont interdits de séjour sur l'île de Mayotte. Et pour cela, il a été établi un visa dit visa baladur en 1995 pour les empêcher de rentrer. Je dis au passage que ça nous a coûté près de 15 000 morts, puisque les gens, sur des boutres pour se rendre à Mayotte, sont persécutés par la police aux frontières et ils laissent leur vie. Cependant, certains arrivent à passer donc les mailles à travers les mailles du filet, et c'est ceux-là, ces Comoriens-là, qui sont qualifiés d'étrangers et de clandestins. Sur ce qui se passe dans l'actualité présente, nous savons ici qu'il y a une administration française qui joue là en l'occurrence la politique du diviser pour régner. Donc nous ne rentrons pas sur les motivations de cela, mais toujours est-il qu'on a toujours levé des Mahorais qu'on pourrait qualifier des Mahorais de souche contre les autres Comoriens qui, eux, proviennent des autres îles. Ce qui fait qu'il y a eu depuis 2003 des rafles et il y a une déjà en 2003 il y a une région qui s'appelle Amouro où le préfet a poussé le maire et sous sa couverture a été mettre le feu dans les habitations. Et donc aujourd'hui encore avec les problèmes qui se passent sur l'île, puisque nous avons récemment vu malgré le silence des médias, des grands médias, nous nous sommes aperçus qu'il y a eu donc des grèves depuis le début de cette année. Et dans le même temps, ces opérations de chasse à l'homme, comme l'a dénoncé par exemple la CIMAD qui est sur le terrain, datent depuis janvier 2016. L'administration française sur place ne peut pas prétendre ignorer le fait et je dirais qu'au contraire, ils couvrent les malfaiteurs. Voilà. Moustapha, tu peux expliquer exactement l'actualité actuellement. Qu'est-ce qui se passe que, évidemment, ces discours dénoncent comme étant des répressions coloniales, dénonciation, humiliation, violence, expulsion. Tu peux expliquer en gros actuellement la situation qui se passe par rapport aux autres Comoriens à Mayotte. Merci de nous donner la parole pour expliquer aux auditeurs ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui est sans précédent dans cette île ou dans l'archipel des Comores. On a vécu il y a 22 ans le pogrom qui s'est passé au Rwanda, c'est ce qui est en train de se passer dans notre archipel, parce que la France, qui a une responsabilité administrative en tant que puissance occupante, mais aussi puissance administrante de l'île comorienne de Mayotte, doit assurer et garantir la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent dans cette île. Mais elle fait tout le contraire, elle attise la haine. Depuis avant même la départementalisation, on ne va pas y revenir là-dessus, mais elle attise la haine des Mahorais contre les Comoriens des autres îles. Donc la France, elle est responsable de 15 000 Comoriens victimes de la marine coloniale dans la mer de l'océan Indien entre Anjouan et Mayotte. Elle est aussi victime des rafles et de tous les sévices et humiliations que subissent les Comoriens des autres îles à Mayotte. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte, ce sont les déçus de la départementalisation. Parce que les Mahorais pensaient qu'ils allaient vivre vraiment comme ici à Paris, n'est-ce pas, avec toutes les prestations et les avantages sociaux. Ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs terres, ils ont perdu même ce qu'ils produisaient localement. Maintenant, ils sont obligés de tout importer. C'est une vie insupportable. Il y a un malaise, il y a un mal-être des Mahorais. C'est là, c'est le message qu'ils sont en train d'envoyer aux autorités françaises, qu'ils en ont marre. Parce que à Mayotte, comme à La Réunion, ils produisaient leur propre consommation. Aujourd'hui, tout est importé et tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Donc, les Mahorais, ils en ont marre. Donc, aujourd'hui, c'est l'échec de cette départementalisation qui n'a rien apporté aux Mahorais. C'est le message qu'ils sont en train d'adresser aux autorités françaises. Comment ça fait-il que les autorités françaises ont pu justement détourner ce mécontentement dû à une départementalisation disons, qui crée la déception, à pouvoir justement utiliser certains Mahorais ou Mahoraises pour pouvoir chasser leurs propres frères et sœurs. Et la gendarmerie, que fait la gendarmerie française? Parce que d'après les images, ils font semblant de couvrir, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils se mettent un petit peu à l'écart quand il y a des conflits et ils essaient de faire semblant comme s'ils sont là pour la paix, mais en même temps, ils laissent expulser les gens, ils laissent casser les choses et après, ils interviennent. Oui, donc la France coloniale dans cette région-là, sur l'île de Mayotte, est triplement cynique. Je disais tout à l'heure qu'on a décompté, ça se trouve dans le monde d'il y a 3 semaines, une carte où il y a 18 points de conflit. Et sur 18 points de conflit, eux, ils ont renforcé la gendarmerie à partir de l'île de la Réunion à côté. Ils ont même fait intervenir des légionnaires. Mais ça, c'est pour casser les piquets de grève dans la mouvance, je dirais, de Nuit Debout là-bas. Hein, je souligne le ras-le-bol et la proportion. Cynique également dans le fait de séparer les sous-populations, je dirais. Parce que on veut orienter en fait l'attention, de ces Mahorais qui ne croient plus au bienfait de la départementalisation, donc ça demanderait à être développé, on va passer rapidement, et le détourner vers le fait que la responsabilité du mal-être du Mahorais, c'est parce que des gens n'ont pas un papier français dans le voisinage. Et donc, pour le faire, nous n'hésitons pas à dire qu'on a poussé les gens sous couverture, y compris de la préfecture, on a poussé les gens à aller faire ce service. Et évidemment, comme le troisième point du cynisme, c'est qu'il y a des vies en danger et ils n'interviennent aucunement pour faire appliquer l'ordre. Pour conclure, parce qu'il nous reste juste moins d'une minute, en gros, quelle est la suite du mouvement? Bon, aujourd'hui, il y a une manifestation qui a réussi, Nuit Debout. Avec la France-Afrique, de l'autre côté, il y a eu du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire la suite de ce mouvement, justement, pour dénoncer ces violences et ces répressions coloniales ? Nous remercions toute la mouvance Nuit Debout, bien évidemment. Dans quelques jours, nous allons faire une conférence de presse parce que, bien entendu, nous avons plusieurs partenaires, les défenseurs des droits de l'homme, certains partis politiques aussi, qui suivent ces affaires-là depuis quelque temps, parce que ici, il y a un texte, des gens se constituent en collectif pour éradiquer cette violence, et ils le font dans une situation à haut risque. Et ce qu'ils demandent de manière très précise, c'est que faites parler de nous, faites parler de la résistance à la violence et faites en sorte que l'État français, là-bas, dans ce qu'on appelle les métropoles, faites en sorte qu'ils soient effectivement interpellés jusqu'à ce qu'ils interviennent de manière responsable pour faire cesser la violence. Donc nous reviendrons, j'espère, annoncer les prochaines actions, dont très bientôt une conférence de presse d'envergure. Un dernier mot, juste Moustapha, oui. Un dernier mot par rapport à la résistance. C'est juste par rapport à la résistance, juste dire que nous allons organiser, comme l'a dit Mabadi, une conférence dans laquelle nous allons convier la radio FPP pour venir la couvrir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous, Abdou. Et on retourne tout de suite voir les propositions de l'AG qui se déroulent en ce moment même. Désolé pour le dérangement. Nous essayons de sauver notre avenir. Comment tu t'appelles? Savannah. Savannah, viens là, Savannah. Explique-nous tout ça. Non, il n'y a rien à expliquer. Je voudrais vous poser une question. Combien il y en a parmi vous depuis que le mouvement contre la loi travail a commencé sont allés en manif au moins une fois? C'est beau. Combien il y en a parmi vous qui ont déjà été victimes ou témoins de répression policière dans le cadre de ces manifestations? Ok. Bon, demain, il y aura encore une nouvelle journée de mobilisation. Et donc, je pense qu'il y aura encore... Pardon. Mais si vous voulez, il y a plein de places devant et vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Mais je parle un peu plus fort, ok. Et donc demain, il y a une manifestation encore 14h, mais je ne sais plus où c'est. Nation, voilà, maintenant on le sait. Mais sinon, le truc que je voulais vous proposer, c'est que, en fait, ayant moi-même subi un peu la répression et J'ai été blessée, mais rassurez-vous, rien de grave. Mon copain aussi, encore une fois, rien de grave. Mais on a vu des trucs quand même assez atroces. J'en ai témoigné ici plusieurs fois. Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est si vous avez envie, si vous avez besoin, qu'on en discute tous ensemble et qu'on échange sur ce qu'on a perçu dans ces manifestations. Toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit qu'elles faisaient des cauchemars, par exemple, où elles voyaient des violences policières, des CRS, parfois des amis ou des camarades mourir. J'ai même discuté avec un journaliste qui m'a dit ça, alors que c'est un journaliste, quoi. Et donc, je vous propose que vendredi à 15h, on se retrouve sur cette place. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, je serai là avec un petit carton et je proposerai un petit groupe de discussion et d'échange sur comment on perçoit ces violences et cette répression et comment on peut faire pour la surmonter et éventuellement pour vivre tout ça un peu mieux ensemble. Il faut qu'on interagisse, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange et il ne faut pas qu'on s'enferme dans notre colère et dans notre haine intérieure. Voilà, il faut extérioriser tout ça. Et si on peut le faire aussi en échangeant par petits groupes ou tous ensemble, je vous propose vendredi à 15h. Merci. Merci, Sava. Je profite de mes derniers moments. Radio debout. Radio debout. C'est pour vous. Écoute Radio Debout. Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio Debout. Radio Debout, c'est pour vous. Écoute Radio. Je crois qu'on est sur Radio Debout, hein, il me semble, toujours en direct de la place de la République. Et nous sommes en compagnie de Marc et de Jacques Testard. Bonjour. Bonjour. Alors, Jacques Testard, vous êtes... Alors, juste un petit problème de micro. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas branché. Ouais, non, ah, c'est voilà. Bon, c'était le consoliste qui était... Donc, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, chercheur, pionnier dans la procréation médicalement assistée et directeur... honoraire de l'INSERM et également directeur, je crois, de la fondation, qui n'est plus une fondation, pardon, de l'association Sciences Citoyennes. Président d'honneur. Président d'honneur, pardon. Alors, moi, je voulais commencer par une petite question, justement, sur les chercheurs. Et j'ai l'impression, parce que moi, je ne suis pas du tout chercheuse, je ne suis même pas du tout scientifique. Moi non plus. Voilà. Marc, je vais accompagner Manon dans la discussion. Pour poser on des questions. On va être deux à vous interroger. Et oui. Et ma première question, c'était justement, j'ai l'impression que les chercheurs sont souvent dans leur tour d'ivoire à chercher, à questionner, analyser, sans jamais, ou du moins j'en ai pas l'impression, remettre en cause les impacts que leur recherche pourrait avoir ensuite sur la société. Ouais, oui, c'est très bien vu. C'est, oui, c'est pas une petite question, en fait. Effectivement, la plupart des chercheurs ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans le monde autour. Et pour ceux qui sont militants, dans les syndicats de chercheurs en particulier, ils ont surtout pour fonction de mener des revendications pour améliorer la carrière des chercheurs. Ce qui est tout à fait justifié, comme dans tous les métiers. Mais le métier de chercheur est assez original parce que c'est dans les laboratoires qu'on est en train de changer le monde. Tout ce qui se fabrique dans les labos, c'est des choses qui vont arriver dans la société. Donc il y a une responsabilité particulière. Pour ça, j'ai amené une de nos productions sur la responsabilité des chercheurs scientifiques. Et les chercheurs devraient aller beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il y a eu un mouvement il y a une dizaine d'années qui s'appelait « Sauvons la recherche », qui était un mouvement, on peut dire, de type corporatiste. Bon, on y a participé, nous aussi, parce que c'est vrai que les carrières des chercheurs, c'est déplorable. Maintenant, pour avoir un poste, il faut attendre d'avoir 40 ans. Bon, c'est toujours dans l'incertitude. Bon, c'est pas normal. Mais en même temps, les chercheurs ne peuvent pas s'arrêter à des revendications corporatistes. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont une mission particulière dans la société. Et pour ça, il faut, et là, je vais beaucoup plus loin que la plupart de mes collègues, nous, à Sciences Citoyennes, on pense que les chercheurs doivent ouvrir la recherche aux citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas du tout incapables de comprendre et même de contribuer à des recherches. Donc, pour nous, démocratiser la recherche, c'est aller vraiment beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement. Mais justement, pour en revenir au rôle du chercheur, est-ce que cette absence de remise en cause ou du moins de de dialogue sur l'impact que leurs recherches ont sur la société est dû à un manque de formation en éthique, en philosophie de la science? Est-ce que c'est à cause d'un système qui fait que finalement ils recherchent toujours les financements sans poser la question de ce qu'on finance? Bon, il y a de ça, bien sûr, mais il y a aussi que c'est un métier très prenant, avec beaucoup d'insécurité, sauf pour les gens qui arrivent en fin de carrière. C'est pour ça que les chercheurs qui s'expriment intelligemment par rapport à la société, c'est les retraités. Bon, c'est un peu tard. Les jeunes, bah, ils ont peur, ils ont besoin d'avoir un poste, donc il faut qu'ils soient sages dans leur laboratoire. Et en plus, ils sont vraiment, c'est un des métiers où on travaille le plus. Un chercheur, ça bosse 12 heures par jour, souvent. Donc ils n'ont pas tellement le temps de s'intéresser à tout ça. Et ils s'isolent. Ils s'isolent un peu de la société. C'est dommage. Peut-être que les chercheurs ont plus de facilité avec l'objet de la recherche, avec leur domaine d'études, qu'avec la relation avec la société, la relation avec les hommes. C'est peut-être pas à la portée de tous les chercheurs. Bah oui, c'est peut-être pour ça que c'est surtout les chercheurs en sciences humaines qui posent la question des relations entre la science et la société. C'est pas les chercheurs en physique, en chimie ou en biologie. Pourtant, c'est votre cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour que vous ayez cette fibre et cette envie de questionner la recherche dans ses implications sociales et sociétales? Ben, moi, je suis né avec le gène de l'emmerdeur. Donc je m'en sers beaucoup, mais je ne suis pas tout seul. À Sciences Citoyennes, on est quand même des dizaines de chercheurs. Et ils ne sont pas tous biologistes, ils n'ont pas tous fait la même carrière que moi. Simplement, il y a des gens qui prennent conscience qu'ils ne peuvent pas rester dans leur cocon et qu'il faut qu'ils s'ouvrent, il faut qu'ils s'ouvrent dehors. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Et en dehors d'initiatives comme votre association, est-ce que il faudrait que de la part des pouvoirs politiques, il faudrait un changement dans le système de mise en place des laboratoires de recherche? Alors là, c'est une question très difficile, la question de la politique de recherche. Bon, on peut la prendre par plein de bouts, mais pour aller vite, nous, on pense à Sciences Citoyennes que les grands thèmes de recherche, non pas les petites aides qui sont données, mais les grands thèmes de recherche qui sont donnés par l'Union européenne, par des ministères français, par l'Agence de la recherche, il devrait être passé au préalable, au crible d'un jury de citoyens, qu'on appelle une convention de citoyens, et dans lesquels les gens pourraient donner les priorités sur les grandes thématiques. Par exemple, est-ce que la société préfère qu'on mette beaucoup de fric pour travailler sur les OGM, ou bien préférerait qu'on mette beaucoup de fric pour travailler sur l'agroécologie? Par exemple, c'est une question qu'on n'a jamais posée aux citoyens. Non, en effet. Et on sait bien où va le fric. Oui. Pourquoi l'avoir appelé, avant de revenir sur le fonctionnement de ces conventions de citoyens, pourquoi l'avoir appelé convention? Alors on l'a appelé convention parce qu'on est parti de l'histoire des conférences de citoyens qui datent de 1990. Ça a été inventé donc à cette époque au Danemark par le Parlement danois. Mais ça n'a jamais eu de protocole précis. Des conférences de citoyens, il y en a eu des centaines ou des milliers dans le monde, avec chaque fois un protocole différent. Ce qui fait que c'est pas très fiable, c'est pas très crédible, c'est pas reproductible. Donc nous, on a voulu, ça fait déjà 10 ans qu'on a travaillé là-dessus, on a voulu établir un protocole. Et après, on s'est payé le luxe de changer le nom, parce qu'on peut pas confondre ce que nous, on propose. On a un projet de loi depuis maintenant 9 ans. Les parlementaires s'en sont pas encore emparés, je ne sais pas s'ils le feront un jour, pour justement rentrer dans la loi ou dans la Constitution ce qu'on a appelé des conventions de citoyens, pour ne pas les confondre avec les conférences qui correspondent à des choses trop floues pour nous. Et alors ça se passe comment, une convention de citoyens? Alors c'est assez simple, on peut le dire schématiquement. Il faut tirer au sort sur des listes électorales, par exemple, c'est-à-dire là où il y a le plus de monde, bien qu'il n'y ait jamais tout le monde. Mais là où il y a le plus de monde, il faut tirer au sort des gens pour finir par constituer un groupe d'une quinzaine de personnes qui soit le plus varié possible. Alors c'est facile pour les hommes, les femmes, pour les catégories socio-professionnelles, les professions, l'âge, la région, un tas de choses comme ça. Et alors, juste 15 personnes, c'est pas beaucoup à l'échelle d'un pays? Oui, mais c'est pas beaucoup, mais il vaut mieux avoir 15 personnes avec le protocole appliqué dont je vais vous parler après, plutôt que d'avoir 3000 personnes, comme il y a actuellement dans les débats publics. Il y a plusieurs milliers de personnes qui participent, mais ça ne rend rien du tout, parce que il n'y a pas de protocole précis, il n'y a pas de façon pour les gens qui ont participé de voir une traduction de ce qu'ils ont décidé ensemble. D'ailleurs, ils ne décident pas ensemble dans les débats publics. Non, ils débattent. Donc nous, je vous explique comment ça marche, la convention de citoyens. Une quinzaine de personnes très variées. Après, on pourrait expliquer comment on fait. Bon, ça, c'est fait par une agence qui a l'habitude de ce bout-là, l'IFOP, la Sofres, ou bon, ils tirent au sort, ils demandent aux gens s'ils veulent bien. Il faut que les gens soient volontaires après coup, pas avant, sinon on pourrait avoir des gens qui s'insèrent dans le truc pour magouiller un peu. Une fois tiré au sort, il faut qu'ils aillent. Oui, parce que vous allez voir, c'est lourd. C'est lourd et donc il faut qu'ils soient volontaires. Donc ensuite, on va leur donner l'information complète et contradictoire. Et là, on a inventé un truc qui, je crois, est vraiment intéressant. On a inventé la création d'un comité de pilotage par l'organisateur de la Convention de citoyens, un comité de pilotage de la Convention qui va être composé de gens connus comme ayant exprimé un point de vue sur le sujet mais n'étant pas d'accord entre eux. On pourrait dire des experts mais contradictoires, différents points de vue. Ça fait un groupe d'une dizaine de personnes. Et ces gens-là, on va leur demander une seule chose, c'est de construire le programme de formation. Donc avec normalement tous les points de vue Avec tous les points de vue, parce qu'il faut qu'ils le fassent par consensus. Et c'est les points de vue sur un sujet, par exemple, précis. C'est sur un sujet précis, c'est pas sur n'importe quoi. Par exemple, les OGM, par exemple. Voilà ce que vous avez dit tout à l'heure, le choix, est-ce qu'on travaille sur les OGM ou est-ce qu'on travaille sur... Sur l'agroécologie. L'agroécologie. Par exemple, d'accord. Ça pourrait être ça. Mais il y en a déjà eu, y compris en France, hein, je pourrais vous en parler après. Mais donc, les gens qui ont exprimé déjà un point de vue là-dessus, donc qui sont relativement experts, mais qui peuvent être des dirigeants associatifs, des industriels, des profs d'université, bon, toutes sortes de gens, on va en réunir qui représentent tous les points de vue qui ont été mis sur la table dans la société, à l'occasion d'un livre, d'une manif, d'un tract. Mais alors, uniquement les gens qui se sont déjà exprimés exactement. Publiquement. Alors ça, c'est le comité de pilotage. Et pourquoi du coup, cette demande de gens qui s'étant déjà prononcés publiquement sur ce sujet? Et pourquoi pas juste des chercheurs, justement ou... Non, mais attendez. Alors la suite, c'est que ce comité de pilotage va définir le programme de formation. Le programme, ça veut dire quelle matière il faut aborder avec les citoyens, combien de temps accorder à chaque point, et quel va être l'intervenant. Et parce que les gens du comité de pilotage ne verront jamais les citoyens. Leur rôle, c'est de faire le programme. Et ensuite, étant donné que ces gens ne sont pas d'accord entre eux, mais sont mis d'accord sur la formation, ils vont établir le programme qu'on peut penser le plus objectif possible. Et ils vont faire intervenir, avec des temps variés d'intervention, des gens qui ont des points différents, qui sont des experts. Donc qui peuvent être des chercheurs ou pas d'ailleurs, mais des gens qui ont une compétence, qui en même temps sont pédagogues, et qui vont donc parler aux citoyens et répondre à leurs questions. Il y a comme ça deux week-ends de formation qui sont prévus. Donc vous voyez, c'est déjà assez lourd. Et le troisième week-end, c'est les citoyens eux-mêmes qui sont devenus assez savants pour voir qu'il manque des choses dans leur formation et qui vont demander à faire comparaître des gens qu'on ne leur avait pas proposés. Pour creuser certains points. Puis ensuite, ils vont rédiger un avis, ils vont discuter ensemble, ils vont rédiger un avis. Et ça fait toujours un truc assez miraculeux. C'est-à-dire que ça crée de l'intelligence et ça crée aussi de l'empathie. C'est-à-dire que ces gens-là vont pas... pas dans mon jardin comme... défendre ces petits privilèges, ils vont pas défendre leur famille, ils vont penser aux citoyens du monde, aux gens en particulier du Sud, qui sont plutôt déshérités, ils vont penser aux générations qui viendront après, bref, ils vont penser à un tas de choses auxquelles les experts ne pensent jamais. De leur intérêt. Que les experts ne pensent jamais à tout ça. Et ils vont produire un avis qui est intelligent, donc en France, il y en a eu une douzaine depuis 1998, la première était sur les OGM, et c'est donc une douzaine en une vingtaine d'années, qu'on peut dire. Et ça a produit, j'analyse ça dans mon bouquin, ça a produit des avis qui sont vraiment très très intéressants. Et j'ai même inventé un mot, c'est le titre de mon livre, L'humanitude au pouvoir. Ce que j'ai appelé l'humanitude, c'est ce que... Alors, c'est pas seulement dans les conventions de citoyens, parce que pour le moment, on en est toujours dans les conférences. Les conventions, il faudrait que ça passe dans la loi. Oui. Mais dans le monde entier, on a analysé, nous, à Sciences Citoyennes, on a analysé ce qui s'est passé dans le monde entier. Et on a observé que tous les sociologues qui travaillent là-dessus, sur la démocratie participative, ils sont bluffés à chaque fois qu'il y a une conférence de citoyens. Par la capacité des gens à comprendre, à émettre des idées, mais aussi par deux aspects. D'une part, cette intelligence collective, mais d'autre part, l'empathie que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans leur égoïsme comme ça, mais vont penser à un tas d'autres choses. Et pour moi, ces deux qualités qu'on voit assez rarement, faut dire, hein, ou dans la population, qu'on n'encourage pas. Elle existe chez tout le monde, puisqu'on la voit apparaître là, dans ces conventions de citoyens et ou dans les conférences de citoyens. Et j'ai appelé ça l'humanitude, c'est ce mélange de l'intelligence collective et de l'empathie qui se développe et qui est quelque chose d'extraordinaire, de très précieux et qui serait vraiment propice pour élaborer ce qui peut être le bien commun. Mais évidemment, on s'en sert pas et c'est dommage. Oui. Alors juste, on va, en parlant d'humain et de prendre la parole, on va retourner à l'AG voir ce qui s'y passe un petit instant. C'est les femmes. Je sais qu'il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes là dans cette assemblée, mais s'il pouvait y avoir un peu plus de femmes sur le tableau, ce serait cool. Donc la prochaine personne, c'est Boudj, et ensuite ce sera Abdallah. Bonsoir à tous, personne un petit peu habituée à Nuit Debout. Tout d'abord, j'aimerais juste faire une petite mise au point par rapport à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, notamment des insultes homophobes, à caractère homophobe. Et je pense qu'on doit être tous et toutes vigilants là-dessus, parce que les mots, les qualificatifs, enculés, etc., ça suffit. S'il vous plaît, prenez la mesure de cette chose-là, comme les insultes sexistes. Ça suffit, les enculés, etc. C'est pas bon parce que ça donne pas confiance. Ça donne vraiment pas confiance aux gens. Donc il faut, à mon avis, que ce genre de choses cessent. Et il y a aussi une personne qui a donné des informations extrêmement précises sur les événements qui se sont déroulés lors de l'incident avec la voiture de police. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse extrêmement attention à ce qu'on dit ici pour pas donner d'informations, pour pas trop donner d'informations et ne pas permettre à la police, par la suite, d'interpeller la personne qui donne ces informations, de donner de nouvelles informations, d'autant plus que c'est une personne qui est habituée à Nuit Debout et qui repère les visages. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention, justement, pour pas que ce qu'il dénonçait arrive, c'est-à-dire que eh bien, on arrive à un moment donné à interpeller des gens et qui se prennent et qui prennent cher. Voilà. Radio Debout. Bonjour. On est toujours avec Jacques Testard, Manon, sur Radio Debout. Sur le plateau de Radio Debout. Et vous nous parliez justement des conventions de citoyens et de l'humanitude qui en ressort, ce concept qui reprend à la fois des valeurs de... Ah. Une petite intervention sur Radio Debout. D'un monsieur qui voulait venir nous parler, mais il faut qu'il prenne son tour de parole. Et moi, justement, sur ces conventions de citoyens, je me posais la question de les gens qui y participent. Est-ce que certains ne sont pas paralysés ou s'expriment moins, ou vous voyez ce que je veux dire ? Oui, effectivement, ça peut être un danger, mais... D'une part, ils ont été volontaires. Ah, oui. Ils ont été volontaires... Ils ont accepté, après avoir été tirés au sort, de jouer le jeu. Donc, ceux qui ont vraiment peur. Là. Et puis, il y a un psychosociologue qui est permanent, qui est dans le groupe, qui est la seule personne non tirée au sort, mais qui, par son professionnalisme, va pouvoir régler éventuellement des tensions, pousser les gens à s'exprimer. Donc, il est là en permanence. Donc, au-delà, en plus de produire un avis sur une question de société importante, ça aide tous ces gens qui y participent à acquérir des savoirs et aussi une méthode, ou du moins de prendre part à la société. Oui, alors ça c'est sûr, mais si c'était seulement d'arriver à informer 15 personnes parfaitement, ce serait très cher. C'est déjà 15 personnes d'informer parfaitement. Mais en fait, l'avis qui va être rendu par les citoyens, il est à usage public. Donc il est dirigé vers les politiques, évidemment, vers les décideurs, mais il est dirigé vers toute la société. Et il peut être repris après par tous les gens qui n'ont pas eu la chance ou pas eu envie de subir ce travail-là. Mais qui peuvent se dire, mais enfin, si 15 personnes qui sont comme moi, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier, parce que c'est monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, si ces 15 personnes, en discutant ensemble, en travaillant vraiment, en lisant des choses, des livres, des articles, en écoutant des experts, sont arrivées à cette conclusion, c'est la mienne. C'est celle des gens d'aujourd'hui, et c'est donc ce qu'on peut appeler le bien commun, elle est conforme au bien commun. Donc en ce sens, c'est aussi de l'éducation populaire. Alors ces avis, on peut les trouver où, ces avis qui sortent de ces conventions citoyennes ? Alors pour le moment, ils sont dispersés, il y en a même qui sont perdus. Moi j'en ai une douzaine que j'ai relevées dans mon bouquin, j'ai mis ça en annexe, en faisant une analyse un peu critique de ce qui s'était passé dans ces conférences de citoyens. Mais normalement, à la fin, il y a une conférence de presse et donc ça devrait être dans les médias. Hélas, les journalistes ne s'intéressent pas beaucoup à des citoyens lambda. qui sont venus travailler, qui ne sont pas connus, c'est bon, c'est pas très people, quoi. Donc on peut le trouver dans ton livre qui s'appelle, pour le répéter, qui s'appelle L'humanitude au pouvoir, comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Et qui est paru l'an dernier au Seuil. Et alors juste parce qu'il y a déjà à une plus grande échelle, il y avait aussi les comités consultatifs, le CCNE je crois. Ça existe toujours. Oui, sur l'euthanasie par exemple, qui avait fait un peu de bruit il y a quelques effectivement, années. Effectivement, le comité national d'éthique a organisé une conférence de citoyens sur différents problèmes de bioéthique. Il n'y avait pas que l'euthanasie, mais il y avait ça en particulier. Mais ce n'était pas du tout selon le modèle de ce que nous on propose, c'est-à-dire que les expertises n'étaient pas forcément complètes et contradictoires. Parce qu'on ne peut pas espérer que des gens vont rendre un avis intelligent, productif, utile à la société si on leur donne qu'un morceau d'information. D'ailleurs, comme c'est aujourd'hui dans la vie quotidienne, quand on explique que les flics ils sont là pour défendre la population, c'est sûr, après on demande, j'ai entendu il y a un sondage qui dit 80% des Français sont pour la police. Soutiennent la police. Mais évidemment, c'est normal, on a la réponse qu'on voulait avec la propagande qu'on a faite. Donc on ne peut espérer quelque chose qui soit vraiment du côté de l'intérêt commun que si on a donné une information complète. Et toujours pareil, on me dit des fois, mais pourquoi on ne la donne pas à tout le monde? D'abord parce que c'est compliqué techniquement, mais aussi parce que les gens n'ont pas forcément envie. Ils peuvent avoir envie de lire ou d'entendre l'avis qui résulte, parce que ça fait 2-3 pages. Donc ça, c'est pas trop fatigant. Mais pas le mois de travail. Mais ils vont pas s'emmerder à lire 3 bouquins, 15 articles, écouter des émissions, voir des vidéos. Ils vont pas le faire. Donc à partir de ce moment-là, ils sont relativement disqualifiés pour porter un avis. C'est pour ça que le référendum est un truc dangereux, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que ce concept de bien commun, c'est un thème, un concept qu'on entend de plus en plus dans beaucoup de démarches justement citoyennes, de démarches de collectifs, aussi bien par exemple dans le milieu associatif, dans le milieu la sociale, dans le milieu des sciences. Qu'est-ce que vous entendez par bien commun et comment défendre ce bien commun? Aucune association, aucun parti, aucun groupement ne peut dire ce que le bien commun. Pour moi, le bien commun, je vais vous faire rire, mais c'est ce qui résulte d'une convention de citoyens. C'est-à-dire que si on crée des conditions pour que les gens deviennent intelligents, instruits, compétents et concernés par le problème... Et définissent ce que c'est que le bien commun. Discutent entre eux, ils vont pas employer ce mot, mais ils vont dire, par exemple, les OGM, on n'en veut pas pour telle et telle raison. C'est assez clair. Ils l'ont fait, d'ailleurs, en 1998. Oui. Alors, quel bien commun des différentes conventions que vous avez pu mener, et donc des avis qui ont sorti, quel type de bien commun ont pu émerger, par exemple? C'est pas un bien commun qui émerge, c'est que l'avis, qui est souvent est divisé en plusieurs parties, converge, toutes ces parties-là convergent, pour dire des choses, des propositions ou des interdits qui sont conformes à ce qu'on peut penser être le bien commun. Donc les citoyens n'écrivent pas « le bien commun, c'est ça ». Mais ils disent « il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça ». Et en plus, c'est pas forcément unanime. C'est pas une conférence de consensus. Tout à l'heure, je parlais de consensus, c'est pour le comité de pilotage. C'est-à-dire pour décider du programme, un consensus entre des gens pas d'accord entre eux. Mais les citoyens eux-mêmes, quand ils vont écrire leur avis, il va y avoir un vote pour chaque point qu'ils ont déterminé. Voilà, c'est ça. Ils vont voter. C'est le vote qui est... Et ce qu'on pense, c'est pour ça qu'on veut vraiment que ça rentre dans la loi. Parce que dans notre texte, il est dit que les parlementaires, quand ils vont prendre la décision, quand ils vont faire la loi, sont obligés de prendre en compte l'avis des citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte ? Ça peut être... Faire une petite concertation un peu rapide, comme ça. Oui, mais on voudrait que ce soit davantage. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'enjeu. On demande qu'il y ait un vote nominatif, c'est-à-dire que chaque député va dire, moi, qui n'est pas d'accord, ceux qui sont d'accord, ça va, mais ceux qui ne sont pas d'accord le disent en disant, moi, député Tartampion, je suis contre l'avis des citoyens. Parce que là, ils prendraient un engagement pour l'avenir. Et je pense que ça peut les impressionner un peu. Ou les obliger, du coup, à... On les oblige, non pas à dire qu'ils sont d'accord, mais s'ils ne sont pas d'accord, à le dire. C'est-à-dire avoir le courage d'exprimer leur point de vue. Éviter le flou. Et alors, moi, ça me fait penser... Enfin, vos conventions de citoyens, est-ce que l'étape d'après, ça ne serait pas, justement, d'avoir une, à plus grande échelle, une assemblée tirée au sort, par exemple, parce que... Alors, oui, non, mais effectivement, vous avez raison. Alors ça, c'est pas Science Citoyenne qui le... Mais moi, je suis partisan d'un Sénat tiré au sort. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir des représentants élus, parce que les gens ont besoin d'avoir mis un papier dans une urne et de dire, celui-là, c'est mon représentant. Mais actuellement, nos représentants, d'abord, d'abord, ils se prennent beaucoup pour nos gouvernants, et c'est pas pour ça qu'on les a mis dans, qu'on les a nommés. Mais il me semble qu'on a des députés qui sont élus. Disons qu'on continue. Mais le Sénat, on n'a pas besoin qu'il soit élu. D'ailleurs, il est élu de façon un peu contournée. Oui. C'est pas les citoyens vraiment qui élisent le Sénat, c'est les partis. Bon. Mais pourquoi ne pas tirer au sort un Sénat qu'on appellerait la Chambre des citoyens et qui aurait pour fonction de surveiller les députés élus pour voir si ce qu'ils font est conforme à leurs engagements et en même temps pour réveiller des problèmes et éventuellement convoquer des conventions de citoyens sur des thèmes un peu pointus pour avoir des avis venant de la population. Donc faire de la veille en fait. De la veille, exactement. C'est-à-dire être un véritable contre-pouvoir qu'il n'y a pas actuellement. Ouais. Alors moi j'avais encore une question ici sur les lanceurs d'alerte parce que j'ai vu que vous vous étiez prononcé pour une vraie protection de ces lanceurs d'alerte. Ouais. Ça a été une des raisons de création de Sciences Citoyennes en 2002. C'était pour défendre les lanceurs d'alerte. On avait d'ailleurs créé ça avec des lanceurs d'alerte comme André Sicolella. Bon, et on a fait un texte de loi qui a été complètement défiguré. Celui-là, il a été pris en compte au Parlement, contrairement aux conventions de citoyens, qui n'ont jamais été étudiées. Mais il a été complètement défiguré par les Verts et le PS. Et il est réparti maintenant. Les lanceurs d'alerte sont défendus dans 5 lois différentes. Bref, ils ne sont pas défendus du tout. Et surtout, nous, ce qu'on voulait, c'est bien sûr défendre les lanceurs d'alerte, mais défendre l'alerte elle-même. Parce que c'est une économie de moyens considérable que d'aller directement au début d'un problème. Par exemple, si on avait écouté les médecins qui, en 1920, disaient que l'amiante, c'est dangereux pour les poumons, ils n'avaient pas les détails, mais ils avaient déjà observé assez. Si on avait fait des études, il fallait défendre ces médecins comme lanceurs d'alerte, mais il fallait défendre l'alerte sur l'amiante. Et ça se passe comme ça tous les jours. Du moins, donner le pouvoir de faire ces expertises-là. C'est-à-dire que pour nous, l'expertise, elle est liée à l'alerte. Quand il y a une alerte lancée, il faut défendre le lanceur d'alerte. Bon, peut-être qu'après, on va le punir parce qu'il a dit un mensonge. Ça peut arriver. Je le dis tout de suite parce que c'est souvent un argument des industriels en particulier qui disent oui, le gars qui n'aime pas son patron, il va lancer une alerte. Pour c'est pas grave, arriver. S'il est démenti, il sera démenti. Grave. Ça coûterait beaucoup moins cher que ne pas prendre en compte les alertes. Et puis ensuite, il faut une véritable expertise. Et une expertise, c'est un peu comme je parlais des conventions de citoyens, mais c'est fait avec des experts, mais c'est contradictoire. C'est contradictoire, c'est-à-dire qu'il doit c'est pas des gens qui ont tous le même point de vue. Alors, on a du mal, des fois, dans les domaines techniques en particulier, à trouver des gens qui soient à la fois compétents et qui soient opposants au système. On les trouve chez les retraités. Hein. On peut les trouver à l'étranger. On peut en trouver. Mais on trouve des experts dans les multinationales, dans les grandes entreprises. On trouve plus facilement des experts qui viennent contrecarrer. Oui, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus que les autres. Oui. Sont présents. Les autres, peut-être pas assez, justement. C'est pourquoi l'expertise est une chose très sérieuse. Qui doit être vraiment calibré. Il faut établir un protocole. Donc nous, on avait fait tout ça dans la loi. Ça a disparu. Et on voulait qu'il y ait une instance nationale qui soit comme un comité d'éthique de l'expertise et qui prenne en compte toutes les expertises. Qui ne soit pas le compétent, ce ne serait pas un comité d'experts, mais un comité d'éthique de l'expertise fait par des gens responsables, des sages, et qui pourraient suivre toutes les alertes en allant jusqu'à l'expertise. Et en leur donnant les moyens d'être démentis ou confirmés, et de protéger après le lanceur d'alerte. Exactement. On va devoir terminer rapidement. On peut quand même avoir peut-être votre vision de Nuit Debout. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez accepté, Manon vous a contacté, vous êtes venu. C'était naturel pour vous d'être là ? Oui, je suis déjà venu, hein, mais en tourisme. Une fois, j'ai voulu parler, mais on m'a fait taire au bout de 5 minutes. Je connais la règle du jeu. Mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici. Mais pour moi, c'est un laboratoire d'idées. C'est pas les gens qui sont là qui vont faire la révolution. Je veux dire, ils sont pas assez nombreux. On n'est pas très nombreux. C'est un laboratoire d'idées. C'est pour ça que c'est important, pas seulement ce que je dis, mais ce que disent d'autres qui viennent amener des idées, qui peuvent être débattues, qui après peuvent déboucher au niveau national, voire davantage, sur des propositions, et qui, le jour où ça pètera, moi j'appelle ça la caisse à outils démocratiques. Oui, il y aura déjà des outils. Il ne faut pas qu'on recommence en virant ceux qui sont là pour mettre les mêmes, mais en plus neuf. Il faut qu'on ait quelque chose de nouveau. Donc moi je pense qu'il faut fabriquer des outils pour changer le système de façon productive et durable. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui se fait en commission aussi. C'est une sorte d'éducation populaire où les gens se réunissent et travaillent ensemble. Merci beaucoup, Jacques Testa. On est obligé de rendre le plateau. Et on va peut-être passer sur à l'AG, hein, voir ce qui s'y passe. L'AG. Pour faire appliquer l'ordre social, la société du travail et de la misère et tout ce qui va ensemble. Merci, on reste. Donc Rachid, tu voulais prendre la parole tout à l'heure ? Donc en attendant Rachid, il y a un point technique. Il y a une phrase, permets-moi, une phrase. Et on doit toujours être vigilant parce que il y a quelqu'un, je ne suis pas rousseauiste, mais il y a une belle phrase de Rousseau. Ça sera difficile réduire à l'obéissance qui n'aime pas commander. Nous n'aimons pas commander. Nous pensons à une puissance, au sens de Spinoza, à une puissance de subversion, pas à la prise du pouvoir. Parce que le pouvoir révolutionnaire, c'est un oxymoron et une contradiction dans les termes. Alors juste une petite information d'importance est remontée, donc on me demande de vous le dire. Faites attention à ce qu'il y a dans vos sacs, parce que la BAC, Brigade Anticriminalité, a tendance là à fouiller tous les sacs des gens qui viennent de République quand on prend le métro. Donc si vous avez des objets un petit peu tendancieux, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, je ne sais pas ce qu'ils considèrent comme étant des trucs dangereux, un couteau suisse ou des trucs à la con, faites gaffe au matos que vous avez sur vous, peut-être les bières, j'en sais rien, du shit, enfin tout. Faites attention à vous quand vous prenez le métro, voilà. Rachid, non, il est reparti. Alors, Foued, et après ce sera Aurélien. Merci, mademoiselle. Merci, collègue. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais vous dire, concernant ce qui se passe, le rassemblement aujourd'hui s'est bien passé. À part qu'il y a eu deux policiers dans une voiture, des cons qui ont lancé des cocktails Molotov sur la bagnole alors qu'ils savaient qu'il y avait des gens dedans. Ils pouvaient... Non mais attends, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, même s'ils sont policiers ou CRS. T'es d'accord avec moi ? Cocktails Molotov sur des bagnoles où il n'y a personne dedans. Ouais. C'est des êtres humains. Ils dorment, ils mangent comme nous. Bref, j'ai une chose qui me chagrine. Par rapport à l'Afrique et par rapport à l'île de Mayotte. Tu me laisses parler, s'il te plaît ? Merci. Donc, par rapport à l'Afrique, l'île Mayotte, la Palestine, la Birmanie, j'ai l'impression que le groupe sioniste et certains de leurs lèche-cul, excusez-moi du terme, ils n'attaquent que les pays là où il y a les musulmans. Bon, lui, il est musulman, on va le tuer. Lui, il vient de Birmanie, on va le tuer. L'autre, il vient de Palestine. Non, parce qu'il est musulman. Et ils aiment bien gratter le pétrole et le gaz, bien évidemment, du Moyen-Orient. Et donc, je trouve ça illogique. Nous sommes tous des êtres humains. Que la personne soit juif, athée, agnostique, je m'en bats les reins. On est tous pareils. Donc, non à la guerre. Moi, ça fait maintenant bientôt 11 ans que je pratique du karaté Nadashin Kagiryu. Je n'ai jamais utilisé taper quelqu'un sur les points vitaux. Je ne vais pas tarder à utiliser mon art en cas d'extrême urgence contre certains sionistes et certains Daesh qui font partie de la secte wahhabite. Bonne soirée. Si tu as envie de le dire, dis-le. Quoi ? Rien, même si tu as envie de rien dire. T'as envie de rien dire ? Viens le dire à la radio debout. Demain, quoi. Demain, quand tu veux. Plutôt demain. Ouais, quand tu veux, pourquoi demain heures, quoi. Non, c'est Radio Debout, pas Radio Demain. Le blaireau, quoi. T'es un fréquent, toi. Casse-toi. Bon, à debout. Et ben voilà, on est toujours sur Radio Debout, en direct depuis la place de la République, à quelques mètres de l'Assemblée Générale qui, un soir de plus, se déroule dans cette nuit debout parisienne. Et on est en plateau avec Pia. Et Pia, tu as un invité à nous présenter. Oui, bonsoir. Donc nous sommes en présence d'Éric Fassin, sociologue engagé et professeur de sciences politiques à Paris 8. Il a signé il n'y a pas longtemps la pétition du Monde Nuit Debout, peut-être porteur d'une transformation de grande ampleur avec d'autres intellectuels il y a à peu près 15 jours dans le Monde. Et vous avez aussi un blog sur Mediapart dans lequel vous portez des textes engagés sur Nuit Debout et on peut lire On a pu lire il n'y a pas longtemps, pardon, un texte sur la sécurité, sur l'état de sécurité en France, et vous faisiez vous soulignez, pardon, ce paradoxe entre une société sécuritaire qui engage de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce paradoxe ? D'abord, merci pour l'invitation. Comme tout le monde, j'essaie de comprendre ce qui se passe, et entre autres parce que quand on est sociologue, eh bien, on est là pour essayer de faire ça, d'interpréter. En particulier, j'ai été frappé du fait qu'on nous parle beaucoup de sécurité, ce qui n'était pas tout à fait le cas, paradoxalement, après les attentats de Charlie et de l'hypercacher. À ce moment-là, on insistait beaucoup plus sur la liberté. Et à partir de novembre, on a parlé essentiellement de sécurité, simplement le résultat, en particulier avec l'état d'urgence et avec ses prolongements tels que la répression au moment de la COP21, mais aussi, bien sûr, depuis un certain temps autour de la loi travail, mais aussi autour de Nuit Debout. Bref, on voit que, en réalité, il y a des violences policières, c'est-à-dire des violences d'État. Et ça, ce qui est frappant, c'est que, d'un côté, on nous dit qu'on va rassurer les gens. Mais en réalité, on les inquiète parce que quand on va dans une gare et qu'on est environné de mitraillettes, eh bien, ce n'est pas exactement un sentiment de sécurité qui prévaut. Mais aussi, d'autre part, pour ceux qui sont visés par ces violences, c'est-à-dire ceux qui risquent de se prendre des coups de matraque, eh bien, l'idée que si on part à une manif le matin, on ne sait pas trop si on ne reviendra pas un peu abîmé, eh bien, ça crée une insécurité. Donc, en fait, sous couvert d'état sécuritaire, on a surtout un état d'insécurité qui est provoqué et chez ceux que ça veut rassurer et chez ceux à qui ça veut faire peur. Vous insistez sur le fait d'ailleurs que ce qu'on appelle des bavures policières la plupart du temps dans les médias n'en sont pas selon vous. Alors sur ce point, j'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original. Simplement, je crois qu'il faut en tirer les conséquences. C'est que effectivement, je me rappelle, il y a quelque temps, on avait entendu, lorsqu'un lycéen s'était fait tabasser, on avait entendu le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dire qu'il était choqué. Et moi, ça me fait irrésistiblement penser au film Casablanca, où on voit le policier qui dit « Je suis choqué d'apprendre qu'on se livre au jeu dans cette ville. » Et en même temps, il est en train d'empocher les gains. Ce qui veut dire que, en fait, lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur choqué par des violences, on se dit « Ça va s'arrêter ». Or, ça ne s'arrête pas. Autrement dit, ça n'est pas quelque chose qui arrive malgré le gouvernement, c'est quelque chose qui arrive à l'initiative du gouvernement, donc ça dessine une politique. Et du coup, au lieu de simplement déplorer ou de simplement s'indigner, il faut essayer de réfléchir à la stratégie politique qui est mise en œuvre, bien entendu, qui se porte sur les corps. Donc à juste titre, on en est indigné, à juste titre, on proteste, mais il faut aussi essayer de comprendre à quoi ça sert de taper sur les gens. Et je crois qu'en ce moment, c'est ce que nous essayons tous de comprendre. Parce que ça a des conséquences sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, et sur les stratégies politiques qu'on doit avoir face à cette violence d'État qui n'est pas accidentelle, qui n'est pas de l'ordre des dommages collatéraux dont on a beaucoup parlé en matière militaire. En fait, c'est le cœur de la stratégie politique actuelle. Et cette stratégie, elle se place dans un contexte politique où on a un gouvernement particulièrement affaibli, qui essaye de faire passer une loi qui est en opposition frontale avec ce qu'ils étaient censés défendre comme programme. Il y a une articulation tout de même entre le contenu de la loi, les moyens qu'on utilise pour la faire passer. Oui, bien sûr. Il y a un coup de force qui peut se jouer aussi bien par le 49-3 que par une forme de répression policière. Ce qui est frappant, c'est que ce sont des policiers eux-mêmes qui ont pu souligner combien ils redoutaient d'être instrumentalisés politiquement par le pouvoir, en particulier sur la manière de gérer ce qu'ils appellent des casseurs, c'est-à-dire indépendamment même de la question de savoir qui sont les casseurs, est-ce que c'est une catégorie qui a du sens, mais du point de vue policier, les casseurs, on les a laissés passer. Donc on se demande pourquoi. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une sorte de politique du pire qui est exercée par la hiérarchie. Et donc, c'est une raison pour laquelle, à mon sens, on ne doit pas se focaliser sur les policiers, qui sont simplement le bras armé d'une politique, mais sur la politique, parce que sinon, ce sont les uniformes qui nous empêchent de voir ceux qui ne portent pas d'uniforme, mais qui font ces choix politiques. À propos des policiers, justement, ils ont manifesté aujourd'hui, on le sait, et on sait que, par exemple, en Angleterre, les policiers ne sont pas l'instrument du gouvernement, ils ont leur propre force de décision. Est-ce que vous pensez que, justement, ça atténuerait les problèmes qu'on peut rencontrer en France de policiers qui souffrent et qui sont en même temps, comme vous dites, le bras armé d'une politique, d'avoir une police plus indépendante vis-à-vis du gouvernement ? En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour cette manifestation, on a eu des soutiens politiques de différents bords. On a eu, bien sûr, l'extrême droite, puisque le Front National était très présent, place de la République. Mais on a eu aussi des soutiens du parti Les Républicains. Et enfin, on a eu quand même une expression de François Hollande en Conseil des ministres, ainsi que du Premier ministre. Donc, il y a une sorte de consensus qui reflète quelque chose sur la politique qui est menée aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, l'ensemble des partis de gouvernement veut être du côté de la police, de même que l'ensemble des partis de gouvernement est au fond pour les politiques néolibérales qui sont mises en œuvre. Donc, en fait, il n'y a pas véritablement aujourd'hui, pour reprendre l'expression de François Hollande, il n'y a pas d'alternative. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'alternative sauf à droite, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alternative du tout de son point de vue, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait une différence majeure aujourd'hui, que ce soit dans le traitement de l'économie, que ce soit dans l'utilisation de la police à ses fins répressives, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'immigration, la politique à l'égard des Roms, etc. Donc, c'est la dépolitisation de la politique qui est gérée de manière policière, parce que la politique aujourd'hui se déroule de plus en plus en dehors de ce qui pourrait être son lieu traditionnel, tel que l'Assemblée nationale. Manifestement, le gouvernement nous dit que ce n'est pas à l'Assemblée nationale de discuter. Donc les discussions, elles ont lieu ailleurs. Je crois que si aujourd'hui Nuit Debout continue, eh bien c'est parce que les gens ont l'impression que c'est plutôt là qu'on va parler de politique qu'ailleurs. Alors, si on revient sur la question du travail policier, peut-être un des autres éléments de contexte, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de l'état d'urgence. On est après les attentats de Charlie, on est après l'hypercachet, on est après le 13 novembre, on est après le Bataclan. On est quelques semaines après que Renaud se mette à chanter « J'ai embrassé un flic ». Et ce travail policier, est-ce qu'il n'est pas permis par ça aussi? Est-ce qu'il n'est pas permis par cette séquence-là qui nous a enjoint de nous ranger du côté des forces de l'ordre? Je lirais les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est moins une continuité qu'une rupture. La continuité, ce serait effectivement si l'affection subite pour la police s'était transformée pour donner aujourd'hui cette répression. Mais en réalité, parfois, ce sont les mêmes. On entend des gens qui étaient très émus en janvier dernier et qui aujourd'hui sont très émus, mais pour d'autres raisons, en janvier 2015 et par rapport à l'après-novembre. Donc en fait, les choses, à mon sens, ont bougé. Et elles ont bougé, non pas donc dans la continuité, mais dans une sorte de renversement. Parce que, au lieu de considérer que la police est là pour protéger de l'extérieur, elle est aujourd'hui censée protéger de l'intérieur. Ce qu'on nous avait raconté, c'est qu'il y avait des menaces qui nous venaient d'ailleurs. Et en particulier qui venaient de gens de religion exotique, d'origine géographique exotique, etc. Or, contre cela, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit bah, c'est formidable parce qu'en France, on a une jeunesse. Et c'est cette jeunesse qu'ils ont voulu massacrer en novembre à travers donc des attaques qui ont tué des dizaines, des centaines de personnes. Donc qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Eh bien, ça voulait dire qu'à ce moment-là, on nous expliquait que la jeunesse, notre jeunesse, celle des quartiers autour de République, c'était des gens formidables, c'était nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend? C'est que les mêmes, eh bien, ils sont pas si formidables, qu'ils sont même un peu inquiétants, que dans le meilleur des cas, ils sont un peu naïfs et se laissent instrumentaliser par des gauchistes ou par des casseurs, ou etc. Mais donc, on a un renversement. Et je crois qu'il est important de comprendre que la police est prise là-dedans. C'est-à-dire qu'elle était censée protéger les jeunes, et aujourd'hui, elle est censée nous protéger des jeunes. Ça, c'est un renversement, et je crois qu'on n'en a pas tiré toutes les conséquences, en particulier parce qu'il y a une figure politique qui, en France, joue un rôle important depuis des années, en particulier depuis Nicolas Sarkozy, c'est la figure du bobo. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur le bobo? Depuis 2000, on nous dit que les bobos, finalement, ils sont bien gentils, mais ils sont loin du vrai peuple, des vrais gens. Et face à la figure du bobo, on nous a beaucoup parlé du riverain. Le riverain, en particulier à propos des Roms, mais dans d'autres domaines, on nous expliquait que c'était les vrais gens. Cette vision populiste de droite, eh bien, aujourd'hui, elle retrouve une nouvelle importance parce qu'on nous explique que ces bobos qui sont en train de manifester, qui sont en train de se réunir place de la République, ils sont loin des vrais gens, que les vrais gens, ils ont peur et que les policiers sont du côté des vrais gens contre ces bobos écervelés ou dangereux. Oui. Ce n'est pas moi qui parle, c'était discours indirect libre. À propos de la jeunesse, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé dans votre texte. On a l'impression que Nuit Debout représente une chance pour la jeunesse justement des quartiers populaires et la jeunesse des centres de Paris, qui jusqu'ici n'étaient pas encore touchés par la précarité et par la violence policière, qu'ils le découvrent avec Nuit Debout, pourraient ce qu'on appelle la convergence des luttes, se rencontrer et lutter ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces deux jeunesses se rencontrent vraiment ? En tout cas, c'est une hypothèse, et c'est une hypothèse qui est fondée sur une expérience, en particulier d'enseigner à l'Université Paris 8, où ces mobilisations contre la loi travail, mais aussi la participation à Nuit Debout, eh bien, ça a joué un rôle important et ça continue de jouer un rôle important. Or, la question d'une division entre une jeunesse qu'on appellera blanche et une jeunesse qu'on appellera non blanche, elle est constamment posée, y compris dans le cadre de Paris 8, avec ce qui a fait l'objet de controverses, comme ici d'ailleurs à Nuit Debout. La question de la non-mixité, ici elle s'est surtout posée en termes de non-mixité de genre, et à Paris 8 elle s'est davantage posée comme une non-mixité raciale. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que des gens qui n'avaient pas tout à fait la même expérience dans la vie, c'est-à-dire qui ne regardaient pas la police du même œil. Il y avait d'un côté des gens qui avaient l'habitude de craindre la police parce qu'ils savaient que dans leur quartier, ça se passait souvent pas très bien et qu'ils n'étaient pas forcément bien traités, avec respect, etc. Ils pouvaient avoir le sentiment que leur expérience de vie n'avait rien en commun avec celle de jeunes gens, plutôt de classe moyenne, souvent blancs, qui, eux, regardaient les policiers sinon avec sympathie, mais du moins sans crainte. Et aujourd'hui, la différence, elle s'est un peu estompée. C'est-à-dire que les uns et les autres peuvent se dire « la matraque, elle risque de me tomber dessus ». Et ça ne veut pas dire que ça abolisse les différences. Bien entendu, les différences sociales, il ne suffit pas d'avoir l'expérience de la police pour qu'elles disparaissent. Mais quand même, je crois qu'il y a là quelque chose qui permet à des jeunesses qu'on pouvait penser séparées de se rendre compte qu'elles ont au moins ça en commun aujourd'hui, c'est qu'elles ne savent pas si la police qu'elles croisent ne va pas être une police qui peut leur faire du mal. Alors, juste une dernière question, après on ira à l'AG, mais tout à l'heure tu disais que la catégorie de... Tu as interrogé la catégorie de casseurs, j'aurais bien aimé qu'on poursuive là-dessus, parce que cette manière de séparer les bons des mauvais manifestants, c'est aussi une catégorie qui est le produit du travail policier, quelque part. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Comment toi tu entends cette catégorie casseur qui est utilisée en permanence ? D'abord, le fait d'être sociologue ne veut pas dire que j'ai fait une enquête sur la question. Donc, je n'ai pas fait d'enquête sur la question. Simplement, ce que je peux constater, c'est au moins une évolution du discours, à défaut d'avoir fait des enquêtes sur la réalité de qui on parle, qui fait quoi, etc. Ce que je vois, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui se déclarent solidaires avec les casseurs et qui veulent remettre en cause cette division. Donc ça... je suis sûr que c'est un fait. Je ne peux pas savoir exactement qui casse quoi. Ça va de pair avec ce que vous expliquez, parce que les gens qui, pour la première fois, ont reçu un coup de matraque dans les jambes, tout d'un coup, se sentent peut-être solidaires des seules personnes sur place qui peuvent les défendre. Et j'étais très frappé aujourd'hui, dans les discussions qu'on a pu entendre dans les médias depuis ce matin, autour et en annonçant la manifestation policière qui avait lieu à République. Qu'est-ce qu'on a très peu entendu ? C'est la question des violences policières. Et donc, si on veut comprendre qu'il puisse y avoir des casseurs, on peut bien sûr se dire que ce sont des anarchistes ou je ne sais quoi qui depuis toujours ont détesté la police, mais on peut se dire aussi qu'il y a des gens qui se sont fait taper dessus et qui s'en sont lassés. Et donc je crois que c'est là que les choses peuvent s'estomper, c'est que des gens qui, encore une fois, n'avaient pas l'impression d'être du même côté, ils se retrouvent un peu du même côté. Alors, on est toujours sur Radio Debout, on est avec Éric Fassin. Ce que je vous propose, c'est de faire un saut du côté de l'Assemblée Générale qui se déroule sur la place de la République. Et puis, on poursuivra cet entretien dans quelques minutes. Aux policiers qui pourraient avoir envie de nous rejoindre. Donc, ouais, pourquoi pas police pion de l'État ou police manipulée, quelque chose pour qu'ils comprennent que s'ils veulent nous rejoindre, qu'ils puissent le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était important que je vous dise ça. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler encore une fois que quand une personne prend la parole, c'est important de la laisser s'exprimer jusqu'au bout. Chacun a le droit au respect de son temps de parole. C'est très important. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, vous faites comme ça. Et si vous êtes d'accord, vous faites comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de crier. Ici, on n'a pas une foule, on a une assemblée. On n'est pas des barbares, on est des gens civilisés. Donc la parole est à Abdelry, mais après ce sera Brune. Alors, il y avait une opposition radicale et une réponse directe. Donc, on va faire venir l'opposition radicale. Tu es là ? Fais-moi coucou. Je vois pas qui tu es. Mais viens pour la réponse directe en attendant. Il y a un slogan qui est pas mal. C'est « Police nationale, milice du capital ». ça sonne bien et puis ça laisse une porte ouverte aux vrais policiers qui défendent le peuple. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Amine, je suis étudiant en lettres à l'université de Nanterre. Je voudrais revenir sur ce que la personne qui est passée avant moi a dit sur la police. Alors, la première chose sur la police, pourquoi tout le monde déteste la police ? Je ne vais pas revenir là-dessus, d'accord ? Alors peut-être que la personne qui parlait, ou peut-être d'autres personnes dans ce cas-là, ne connaissent pas ce que c'est que la répression policière depuis le plus jeune âge, d'accord ? Moi, la police, je la vois depuis que j'ai l'âge de 15 ans, d'accord ? Ils n'ont jamais eu rien à foutre qu'on ait 14 ans, 15 ans pour nous mettre des tartes dans la gueule, d'accord ? Ils nous ont fait la misère, tous, jusqu'à maintenant, d'accord ? Alors j'ai pas commencé à détester la police il y a 6 mois ou il y a 2 mois, j'ai commencé à les détester il y a plus de 10 ans. Alors venir me dire aujourd'hui que détester la police, c'est pas quelque chose qui est majoritaire, pourquoi pas ? Moi j'ai l'impression que c'est le contraire, mais en tout cas, ce slogan-là, il a été repris en Italie, dans des manifestations en français, par des Italiens, donc c'est devenu un mot d'ordre partout en Europe. Tout le monde déteste la police et il faut le garder. C'est devenu un symbole, c'est devenu quelque chose de chamé. Merci à tous. République. Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. Vous venez d'entendre un extrait de l'AG en direct Place de la République. Nuit debout continue et nous sommes avec Pierre en compagnie d'Éric Fassin, sociologue engagé, professeur de sciences politiques à Paris 8. Et moi, je voulais qu'on aborde justement la place des intellectuels, des chercheurs, des sociologues dans ce mouvement, mais plus largement dans les mouvements, parce qu'on les a vus, on les voit assez présents sur la place de la République. Moi, j'ai peur que dans 3 semaines ou dans 3 mois, il y ait 150 livres écrits par sur ça. Mais on voit beaucoup qui viennent participer au débat, qui viennent s'inscrire dans les commissions, tout ça. Et j'ai eu l'impression que sur les séquences politiques qui ont précédé, en particulier le mariage pour tous, où il y a eu quand même un silence assez assourdissant des intellos, des artistes, un peu de ce qui pourrait être des relais d'opinion. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de prise de parole, etc. On a l'impression qu'il y a un retour. Est-ce que toi aussi, qui es très au fait sur ces questions de genre, de sexualité, etc., tu as vu ça ? Pour ma part, effectivement, j'ai participé au débat autour du Pax, du mariage, etc., depuis plus de 15 ans. Et donc, il y a eu le sentiment, je crois, pour un certain nombre de gens qui avaient participé à ces discussions à l'époque du Pax, que rejouer tout ça une fois de plus, finalement, ça ne servait plus à grand-chose, puisqu'on avait déjà sorti tous nos arguments et qu'on avait l'impression que les choses se faisaient toutes seules, ce qui était sans doute en partie une illusion. Mais qu'en tout cas, dès lors que le gouvernement était engagé dans cette affaire, on avait beaucoup moins besoin de gens pour contester ce qui était en train de se passer. On avait beaucoup plus besoin de gens pour soutenir, mais pas pour proposer une vision d'union critique. En revanche, je crois que ce qui est en train de se passer autour de la loi travail et plus généralement ce qui est en train de se passer sous différentes formes avec des mobilisations, c'est qu'on a l'impression que la possibilité que la politique soit en train de disparaître, c'est ça qui est remis en cause. Il faut se rappeler qu'on a un Premier ministre qui, il y a peu de temps, disait que la gauche peut mourir. De fait, c'était une sorte de programme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train d'essayer de faire en sorte que ça ne soit pas vrai. C'est-à-dire que cette espèce de prophétie autoréalisatrice, elle soit démentie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui se mobilisent. Donc ça, c'est intéressant parce que la ruse ultime du néolibéralisme, c'est que non seulement on entend la droite, depuis Thatcher, dire qu'il n'y a pas d'alternative. Non seulement on entend le Parti socialiste, aujourd'hui, dire la même chose. Mais finalement, le danger le plus grave, c'est que peut-être celles et ceux d'entre nous qui ne se reconnaissent pas, ni dans la droite, ni dans le Parti socialiste, finissent par se dire qu'au fond, c'est vrai, qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça, que c'est joué, qu'on a perdu. Et donc, il y a une forme de dépression militante qui, je crois, menace dans beaucoup de domaines depuis des années. Or là, ce qui est en train de se passer, c'est que, à mon sens, beaucoup d'entre nous se disent « Mais après tout, c'est pas joué. Il peut se passer des choses. L'histoire n'est pas finie. » En théorie, nul d'entre nous ne disait que l'histoire était finie. Mais en pratique, on se le demandait. Et je crois que c'est ça qui est en train de bouger. Donc le fait qu'on regarde ce qui est en train de se passer avec intérêt, avec parfois de l'enthousiasme, eh bien, ça me paraît dicté par ce contexte. C'est l'idée que il peut y avoir des surprises. On peut encore voir arriver des choses qu'on n'avait pas senti venir. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant et qui explique peut-être une relative discrétion d'un certain nombre d'intellectuels, c'est-à-dire de gens qui prennent la parole publiquement à ce titre. Pourquoi ? Parce que, en un sens, on ne sait pas exactement ce que c'est que Nuit Debout. Mais ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire le fait que le sens ne soit pas donné d'avance, le fait que ce soit en train, peut-être, de se construire sous nos yeux, de prendre forme. Et quand je dis prendre forme, ce qu'on remarque souvent, c'est que ça manque un peu de forme. Mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Donc je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant pour tout le monde, c'est qu'il y a du nouveau, et ce nouveau, il est d'autant plus nouveau qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Donc je crois que, pour ma part, et je ne suis pas le seul, l'intérêt que je peux avoir face, pas seulement à Nuit Debout, mais à l'ensemble de ces mobilisations, c'est parce que je ne comprends pas forcément bien. Et quand on ne comprend pas, ça veut dire qu'il se passe des choses qui ne sont pas directement dans les cases, dans les cadres de ce qu'on pensait déjà et de ce qu'on savait déjà. C'est plutôt bien. Mais ça, on voit, y compris dans, bon, c'est surtout dans le travail journalistique, on a l'impression qu'il y a une peur du vide. Il faut toujours que ce qui est en train de se passer, dont nous-mêmes ici, on n'a pas plus d'idées que toi sur ce vers quoi ça va, ce que ça peut prendre comme forme, si même ça a un avenir quelconque, tout bêtement. Mais il y a besoin de mettre ça dans une case, par exemple la référence quasi permanente à Podemos. Il faudrait, je me souviens, Nuit Debout avait commencé depuis quelques jours, il y avait un journaliste de France Culture le matin qui posait la question en disant « bon, bah, ça ressemble à Podemos ce que vous êtes en train de faire ». Et aujourd'hui, le problème de Podemos, après des années d'Assemblée Générale, etc., ils sont en train de se poser la question « est-ce qu'ils vont faire alliance avec le Parti Socialiste Espagnol ?» Alors du coup, la question qui se pose pour Nuit Debout, c'est « vont-ils faire alliance avec le Parti Socialiste de François Hollande ?» Ce qui était une espèce de raccourci qui disait l'incapacité à penser un truc... Il n'est pas surprenant qu'on essaie de penser avec ce qu'on a déjà dans la tête. Donc avec les mots, avec les références historiques, avec les catégories. Donc ça n'est pas quelque chose d'inhabituel. Le problème, c'est qu'en même temps, on sent bien que ça ne marche pas. Donc je crois qu'il y a un élément intéressant à penser, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir d'avance le sens des choses pour qu'elles aient un intérêt. Ça pourrait être une règle de vie, mais en tout cas, c'est peut-être une manière de penser la politique. J'ai un ami philosophe, Michel Ferre, qui insiste beaucoup sur le fait que, pour lui, l'élément peut-être le plus intéressant aujourd'hui de Nuit Debout, c'est que ça dure. C'est-à-dire que, indépendamment même de tel ou tel contenu, indépendamment même de telle ou telle forme, la durée est finalement ce qui surprend le plus et ce qui dérange le plus. Combien de fois nous a-t-on dit que ce mouvement s'essoufflait ? Dès le début, c'est un mouvement qui s'est toujours déjà essoufflé et manifestement qui dure quand même. Donc là, le fait qu'il y ait autant de volonté de nier cette durée est sans doute le signe que la durée, c'est important. Il y a un autre élément, moi, qui me tient à cœur, c'est, on utilise souvent l'expression de mouvement des places, l'idée que ces espaces publics dans les villes peuvent devenir des lieux de politique alternative. Je crois que c'est intéressant parce que ça dit quelque chose sur l'espace public. L'espace public abstrait, celui de la démocratie libérale depuis le XVIIIe siècle, il s'étiole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement en regardant ce qui se passe à l'Assemblée nationale qu'on va avoir l'impression qu'on fait de la politique. Ce n'est pas tellement en regardant ce qui se passe au Sénat, ce n'est pas tellement en écoutant les comptes rendus du Conseil des ministres, ce n'est pas tellement en surveillant la bataille des primaires ici et là. On n'a pas l'impression que c'est là que se joue quelque chose de politique. Autrement dit, l'espace public au sens traditionnel depuis le XVIIIe siècle, eh bien, il ne nous apparaît plus guère comme politique. Autrement dit, il y a un autre sens de l'espace public qui est en train de se jouer autour des places, qui sont des espaces publics, là, incarnés. C'est-à-dire que les gens sont là ou ils ne sont pas là. Donc la présence, ça donne, dans un monde dont on nous dit beaucoup qu'il serait virtuel, ça nous donne quelque chose, me semble-t-il, d'intéressant pour essayer de pallier cette espèce d'évidement du monde politique et de la sphère publique au sens plus traditionnel. Une rapide dernière question, parce qu'on a peu de temps, mais si Nuit Debout est effectivement un sursaut dans la fin de l'histoire programmée, est-ce que vous avez une piste de, selon vous, et c'est un peu une question prophétique, mais quel chemin ça pourrait prendre ? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi ? Non, mais en particulier, je pense que ce qui est bien, c'est de savoir que quoi que je vous dise, la suite me donnera tort. Et ça me paraît plutôt une bonne chose. Ça veut dire que, en un sens, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de comprendre ce qui se passe. Mais en réalité, c'est les gens qui sont en train de le faire. Donc, le sens à la fois signification, mais le sens la direction, on ne sait pas d'avance. Moi, j'insisterai sur cette incertitude, non pas comme un élément négatif, mais au contraire, comme une possibilité, une ouverture, comme quelque chose donc de positif. Bon ben merci beaucoup Eric. Moi j'avais une dernière question, je crois qu'il nous reste une petite minute. Vous êtes prof à Paris 8, je sais qu'il y a des mobilisations assez importantes à Paris 8 contre la loi travail. Je voulais juste avoir quelques nouvelles du front. On est en fin de semestre, ce qui veut dire que les étudiantes et les étudiants ont à faire face aussi à des questions plus traditionnelles et plus banales, telles que valider les cours. Et donc, c'est un enjeu aussi. Moi, je crois que ce qu'on a vu, et en particulier, puisque moi, je suis enseignant dans un département de sciences politiques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une forme d'éducation politique pour beaucoup de gens, soit qu'ils aient participé à ce mouvement, soit d'ailleurs qu'ils n'y aient pas participé. Mais ça fait réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Au lieu d'avoir l'impression que la politique nous est extérieure, eh bien, elle se joue, y compris au sein même de l'université, dans toutes les discussions sur qui a la parole, sur comment ça fonctionne l'enseignement et sur quel est le rapport entre ce qui se passe à l'université et ce qui se passe en dehors. Toutes ces questions-là, qui sont des questions politiques très importantes, elles ont été posées, mais ça a permis, je crois, de soulever beaucoup de questions, et en ce sens-là, j'ai l'impression que l'université a joué un rôle, et elle a joué son rôle, qui est un rôle pédagogique, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses, y compris les profs. Merci beaucoup, Eric Fassin. Ah bah l'État, les flics et les patrons, où tout le monde déteste la police. Ce serait intéressant qu'il y ait des personnes qui se lèvent dans l'Assemblée qui sont pour l'utilisation de ces slogans, des personnes qui sont contre l'utilisation de ces slogans. Il me faudrait 3 pour, 3 contre, et que vous alliez voir Elena, qui n'est pas là, ou sinon Christopher qui est là. En attendant, sinon Asna, tu peux venir parler ton action pendant que ça se prépare si tu veux. Asna, elle voulait proposer une action pour nous. Oui, bonsoir. C'est à propos des postes de télévision. Donc, moi, j'ai emmené la mienne. Elle ne fonctionne plus. Je n'ai plus de TNT de numérique. Donc, j'ai emmené la mienne. Et donc, l'idée, c'est d'aller la vôtre, celle qui ne fonctionne plus, ou d'aller faire une action dans les encombrants et de récupérer la télé. Et le but, c'est de fracasser sa télé, c'est-à-dire donc casser sa télé et allumer sa cervelle. Le débat, ça va être très rapide, hein, ça ne durera pas plus d'un quart d'heure, parce qu'après, il y aura la projection du film, comme on l'a dit, et une petite présentation en amont du film par les réalisateurs. Donc, est-ce que j'ai déjà une première personne pour venir parler Jean et Jean? Vas-y Jean. Alors pour ou contre? Moi je suis pour. Attends. Excusez-moi, je voudrais juste rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, je vous demande la plus grande bienveillance de votre part. Les personnes vont s'exprimer pour ou contre. Il faut les respecter dans tous les cas, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Je vous le rappelle, si vous voulez exprimer votre désaccord, on ne crie pas. On fait d'accord ou pas d'accord. Ok? Donc, je m'appelle Jean, je suis étudiant en histoire. Et personnellement, je suis pour ces slogans, et plus précisément au niveau de la police, parce que je pense que ce n'est pas les personnes en elles-mêmes, parce que peut-être que dans le privé, ce sont des gens très bien, avec qui on peut tout à fait s'entendre, c'est contre l'institution en particulier. L'institution et l'utilisation qu'elle en est faite, dont elle est victime d'ailleurs, parce que je vous avoue, là j'ai passé 48 heures derrière les barreaux, j'ai vu la procureure ce matin, et elle m'a clairement dit qu'il devait faire du chiffre, et que certains jugements, c'était purement de l'affichage, c'était pour faire des exemples. Et donc, même si effectivement, je vous avoue, je suis anarchiste, donc effectivement, je suis contre toute forme d'ordre imposé, mais je pense que c'est plus l'institution et l'utilisation qui en est faite que les flics en eux-mêmes. Après, effectivement, je nie absolument pas le fait que parmi certains CRS, il y en a qui adorent taper du gauchiste. Hein. Ça, je le pense sincèrement. Après, au niveau de l'État, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État? Est-ce que c'est l'État qui a besoin de nous, ou est-ce que c'est nous qui avons besoin de l'État? Je pense qu'avec une organisation complètement et un système complètement différent, En effet, complètement différent de ce qui existe aujourd'hui, mais simplement revenir au niveau de la commune et dans les villes qui sont trop grandes pour ça, en revenir au quartier, faire des... c'est pas compliqué de s'organiser autrement sans forcément avoir besoin d'un État. Après, il peut très bien, au-delà des communes, il peut très bien exister des fédérations, des confédérations, comme il en existe déjà, que ce soit dans le monde syndical ou dans le monde associatif, il existe déjà. Je vais citer dans le monde syndical la CNT, par exemple, qui fonctionne à ce niveau-là. Donc, on n'a pas spécialement besoin de l'État, des policiers et des patrons. Des patrons, c'est pareil. On peut très bien élire des... On peut très bien élire, effectivement, dans des entreprises, des mandatés à la trésorerie, des mandatés au recrutement, mais qui peuvent être révoqués à tout moment s'ils font pas bien leur boulot. Voilà. Donc, je suis tout à fait pour ces slogans parce que on peut tout à fait avoir un autre mode d'organisation que celui qui existe actuellement. Sans effectivement la police, les patrons et l'État. Radio debout tonight, everything's gonna be alright. Radio debout tonight, everything's gonna be alright. Radio debout ce soir, ça va être vraiment bonheur. Radio debout ce soir, ça va être vraiment bonheur. Et ben voilà, de retour sur Radio Debout, et même un peu plus que Radio Debout, Antoine, puisqu'il s'agit d'une coproduction désormais. Tout à fait. Écoutez, c'est une coproduction Radio Debout, TV Debout. Alors moi, je suis très honoré vraiment d'être accueilli par la Radio Debout. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui marque un moment. On est doublement très honoré parce qu'on reçoit aussi Eric Azan, donc éditeur, écrivain. Chirurgien aussi. Historien, voilà, tout à fait. Polémiste. Et peut-être qu'on pourrait commencer par cette casquette-là, celle du polémiste, puisqu'il y a quelques jours, Eric Azan, vous publiez un texte qui s'indignait un petit peu ou qui allait à l'encontre d'un slogan comme « Tout le monde déteste la police », ce slogan qu'on entend dans toutes les manifestations depuis le début des manifestations contre la loi travail. Et j'ai ce point de vue qui a un peu surpris certains des gens qui vous suivent. Et j'aimerais que vous nous expliquiez... comment vous abordez cette question de la police dans le contexte où on est ? Oui, pour rappeler un petit peu, Eric, vous appelez souvent, on va dire, entre guillemets, à l'insurrection, en publiant des écrits du comité invisible, notamment l'insurrection qui vient à nos amis, et donc une espèce de d'insurrection, on va dire, physique, une violence manifeste et physique. Et après le 1er mai, cette tribune avait un peu surpris parce qu'elle prenait une opinion non partagée, qu'il fallait plutôt tendre la main à la police. Alors, on demande des explications. Revirement ? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est exactement dans la continuité de l'insurrection, dans la perspective de l'insurrection, que je dis, il ne faut pas crier « tout le monde déteste la police ». Je m'explique... je vais faire un petit intermède historique. S'il vous plaît. Aucune insurrection... n'a été victorieuse quand elle avait en face d'elle des forces de l'ordre qui sont restées les soutiens des régimes. En juillet 1789, comment ça se fait qu'on ait pris la Bastille ? On a pris la Bastille parce que les gardes françaises, qui étaient le régiment chargé du maintien de l'ordre à Paris, ont fait défection, sont passés du côté de l'insurrection avec leurs officiers et leurs canons. C'est les canons des gardes françaises qui ont cassé les chaînes qui tenaient le pont-levis de la Bastille. Sans les gardes françaises, on ne prenait pas la Bastille. Et la même chose en 1830. En 1830, pendant les Trois Glorieuses, le maréchal Marmont, qui commandait les troupes de Charles X, avait établi un quadrilatère absolument inexpugnable entre la Seine, la colonnade du Louvre, et deux régiments de la ligne, c'est-à-dire la partie la plus méprisée de l'armée, qui était place Vendôme, qui faisait partie du dispositif inexpugnable, ont fait défection. C'était un trou béant et c'était fini. Et toujours comme ça. Et la grande insurrection prolétarienne de juin 1948 a été vaincue parce que la garde mobile n'a pas fait défection. C'est, il n'y a pas de loi de l'histoire, hein, on ne va pas revenir dans les lois de l'histoire, mais c'est une constatation que tout le monde peut faire. Toutes les insurrections victorieuses ont été victorieuses parce qu'à un moment donné, les forces de l'ordre ont fait défection. Alors, dans l'insurrection qui vient, qu'est-ce qu'on souhaite avoir en face de soi au moment décisif où on aura la police en face de nous ? Quelle que soit la forme que prenne cette insurrection qui vient, à un moment donné, il y aura de la police, qui gardera la télé, les dépôts d'essence, etc. Il y aura de la police. Qu'est-ce qu'on veut avoir face à nous ? Est-ce qu'on veut avoir une police soudée par la haine qu'on leur a manifestée pendant des années et des années, ou des mois et des mois, ou des jours et des jours, parce qu'on ne sait pas quand elle vient, cette insurrection ? Est-ce qu'on veut avoir une police soudée ou une police clivée ? Ou une police... traversée de contradictions. Moi, je dis, si on veut vraiment que l'insurrection qui vient soit victorieuse, il faut que les forces de l'ordre qu'on aura en face de nous, qu'on essaye d'élargir les contradictions qui les traversent et non pas de les souder. C'est tout. Il ne s'agit pas, de, évidemment pas, ni de pacifisme, ni de nier les violences policières, ni d'angélisme, ni de tout ça. C'est simplement, disons, c'est tactique. Oui, mais stratégiquement, aujourd'hui, le travail policier est quand même... tout le monde vient témoigner, ne serait-ce qu'à la télé, à la radio, sur cette place, etc. Le travail policier est quelque chose qui tape tellement fort sur le mouvement, qui l'affaiblit. On a vu les lycéens qui ont fini presque par être épuisés par la violence de ce travail policier. C'est tout de même un contexte particulier. Tu as raison. Je pense qu'il faut agir... de deux manières convergentes. Il faut d'une part continuer à maintenir la pression physique sur la police. Il faut continuer à se confronter. D'une part. Et d'autre part, ça n'est pas du tout contradictoire, faire signe à ceux qui, à l'intérieur de la police, vacillent, qu'on les comprend et on n'est pas contre eux. C'est pas commode, j'en conviens, mais c'est indispensable. Il ne faut pas croire que la police est encore soudée. Bon, je ne parle pas des BAC. Je ne parle pas de la BAC. Hein. Bon, ceux-là, les BACEux, c'est vraiment... j'aime pas trop la dévalorisation, enfin, qu'on abuse du terme de fascisme. Mais là, il y a quand même quelque chose qui ressemble dans la BAC. Je crois que ça, on peut faire un trait là-dessus. Il n'y a pas de contradiction à l'intérieur de la BAC, je crois. En revanche, la police parisienne et même les CRS... ils sont évidemment partagés, clivés par des contradictions à l'intérieur. Il y a quelques années, on avait publié un livre d'un flic qui s'appelle Éric Blondin. Le livre s'appelait Journal d'un gardien de la paix. Je ne sais pas si vous avez vu passer. C'est un livre qui a pas mal d'années déjà. Il parlait de la vie dans le commissariat du 14e arrondissement. De la haine de la hiérarchie, du sentiment d'exploitation. On avait vraiment l'impression que c'était la même ambiance qui doit régner dans le personnel d'une grande surface. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a une composante, on voit bien dans l'histoire que les insurrections, elles ont nécessairement été accompagnées, on va dire, entre guillemets, par les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une composante qui est nouvelle depuis, on va dire, plusieurs décennies, qui est la question de l'opinion publique, qui n'existait pas du tout au 19e siècle, voire même à la Révolution française. Merci Mehdi, une petite spéciale dédicace pour Mehdi qui retombe une énième fois. Il y a la question de l'opinion publique, c'est-à-dire que le terrain politique, est-ce qu'il ne s'est pas déplacé sur les questions médiatiques ? Et la question de la violence, est-ce que ce n'est pas un piège tendu ? Alors on sait que l'opinion publique, c'est notre ennemi. Hein, Bourdieu l'a dit en 72, l'opinion publique n'existe pas, il est complètement sous domination, puisque c'est les médias qui vont raconter une histoire. Et est-ce qu'on n'a pas, à justement, dans cet affrontement on va dire frontal avec la police, tout à perdre, dans le sens où on va perdre cette guerre médiatique, puisqu'on va avoir des images, ce mouvement est nécessairement des violents. Et on va dire la gauche, entre guillemets, hein, est quelque chose de violent et avec beaucoup de qualificatifs qu'on aimerait refuter. Je crois que tu l'as dit, l'opinion publique, ça n'existe pas. L'opinion publique, c'est... Je ne l'ai jamais rencontré. Personne n'a jamais rencontré l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une blague. En revanche, le bombardement médiatique contre les casseurs, ça, c'est quelque chose contre lequel il faut vraiment essayer de lutter. Il faut vraiment expliquer chaque fois qu'on peut que les casseurs, c'est vraiment une pure invention. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps, et même assez souvent, des vitrines de banque cassées. Mais qui ne se réjouit pas de voir casser une vitrine de banque ? Les banquiers. Oui, en dehors du banquier. Et encore, les chefs de banque, parce que les employés des banques, vous croyez qu'ils n'ont pas une haine profonde pour les banquiers et pour la banque ? Mais si, bien sûr. Donc, je crois que... D'ailleurs, c'est très bien que les casseurs commencent à détourner, à reprendre à leur compte l'insulte. Comme... Qui se qualifient eux-mêmes de casseurs, c'est très bien. C'est très bien. Et je pense que là, en effet, il y a dans le matraquage médiatique quelque chose que nous devons combattre. Ce n'est pas du tout contradictoire. Comment on peut combattre C'est compliqué. On doit combattre sur le terrain médiatique, peut-être. Sur le terrain médiatique, on a toujours du mal. Mais enfin, quelques-uns d'entre nous, de temps en temps, parviennent à dire un mot. Et à ce moment-là, il faut bien dire que ce terme de casseur est une dévalorisation d'une partie active, un peu énervée, d'une jeunesse épatante, quoi. Il faut le dire. Il y a un truc qui m'a l'air nouveau, enfin moi ça m'a l'air nouveau, c'est le fait que s'il y a une partie de la manifestation qui a des pratiques un peu sportives, j'ai l'impression que le reste de la manifestation et du mouvement refuse de s'en désolidariser. Et on entend beaucoup ce discours, enfin on discutait tout à l'heure avec Éric Fassin qui nous rappelait ça, qu'il y avait tout de même il n'y avait pas de mise à distance du mouvement avec une partie de lui-même. Est-ce que ça, c'est pas une des forces aussi du mouvement que de réussir à pas accepter les séparations qu'on voudrait lui imposer ? Dans les manifs auxquels j'ai assisté, j'ai vu quand même une différence nette entre les premiers rangs, la jeunesse sportive des premiers rangs et les syndicats derrière leur service d'ordre qui n'était pas archi amical. Hein. Le service d'ordre de la CGT, de temps en temps, on a vraiment l'impression qu'ils travaillent la main dans la main avec la police. Je crois pas, non. C'est pas vrai, ça ? Non, je crois pas, non. Tu penses que... je parle du service d'ordre. Hein. Je parle pas des militants, des syndicalistes ou des ouvriers qui sont autour de ces cordons rouges, qui sont quand même une barrière. Est-ce que les syndicats ont justement tout à perdre Ils ont tout à perdre de la violence, peut-être. Les syndicats aussi, ils doivent... c'est eux qui font le mouvement, c'est eux qui font la manifestation. Est-ce que c'est pour ça qu'ils, quelque part, tempèrent ? Est-ce que, finalement, la CGT, pour ne pas la nommer, elle a tout à perdre de la violence, elle serait discréditée ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se désolidarise très rapidement. Comment on va faire si on accepte en son sein des mouvements violents, est-ce qu'on risque pas de fracturer le mouvement social aussi ? C'est pas quelque chose qui peut être très clivant, plus que la pluie d'ailleurs. Je pense que cette frontière que tu dis, elle est relativement récente. Enfin, pas si on prend comme échelle de temps la semaine, mais si on prend comme les années. Il fut un temps où les manifestations syndicales... La première manifestation à laquelle j'ai assisté dans ma vie, c'était en 1952. Ah ouais, quand même. Oui. C'était une manifestation contre Ridgway la peste. Voilà. Une manifestation organisée par le Parti communiste et la CGT contre la venue à Paris pour diriger l'OTAN du général Ridgway, qui avait commandé en Corée et dont on prétendait, probablement à tort, qu'il avait utilisé l'arme bactériologique. C'était contre Ridgway la peste. Et ben, je peux te dire que c'est la manifestation, la première à laquelle j'ai participé, et probablement la plus violente de toutes. Donc, la tradition de violence dans les mouvements syndicaux, elle s'est affaiblie jusqu'à disparaître complètement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressurgir. Non, voilà, on ne va pas poursuivre ce débat sur les services d'ordre. Mais moi, je pense que les services d'ordre des syndicats sont des syndicalistes et que je ne m'amuserai pas à présupposer qu'il y a du travail commun entre la police et des syndicalistes. J'en ai pas du tout la preuve. J'en ai que le sentiment subjectif qui vaut ce qui vaut. Voilà. Bon, moi, je voudrais revenir sur Nuit Debout, le mouvement Nuit Debout qui depuis un mois et demi continue à Paris, en province, en banlieue. Et tu as beaucoup écrit sur l'histoire de Paris, sur l'histoire du mouvement ouvrier. Tu en as publié beaucoup. Alors, tout le monde cherche des analogies. Alors, il y a beaucoup des analogies avec qu'est-ce qui se passe en Espagne, qu'est-ce qui a pu se passer dans le monde arabe et tout. Est-ce que dans l'histoire, tu vois des choses, ça t'évoque des choses sans essayer de faire des parallèles trop. Est-ce que ça t'évoque ? Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui revient à des événements historiques. Si tu prends le 19e siècle, tout ce qui s'est passé de révolutionnaire, d'insurrectionnel au 19e siècle à Paris, s'est passé sur des places. Le Palais Royal, aujourd'hui, c'est un jardin. Ouais. Et c'était la grande place centrale de la vie intellectuelle et politique parisienne. Et la révolution de 89, la révolution de 1830, la révolution de 48 ont démarré au Palais Royal. La place du Palais de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui Chiracisé avec ses petits jets d'eau ridicules, ça, la place de l'Hôtel de Ville, ça a été la grande place de la Commune de Paris. La révolution à Paris au 19e, c'est des places. Et puis, après la Commune, soudain, plus de places. Des cortèges. Alors, les cortèges... Pourquoi ce remplacement des grands regroupements sur des places par des cortèges ? Moi, j'ai mon opinion là-dessus, j'ai mon hypothèse là-dessus. Ah, qu'on va découvrir. C'est contemporain du surgissement, de l'apparition sur le devant de la scène des partis politiques et des syndicats. Au 19e siècle, il n'y avait rien qui ressemble à un parti politique tel qu'on le connaît. Il n'y avait pas non plus de syndicats. La charte d'Amiens, c'est 1905. Pardon. Les partis et les syndicats qui lançaient des mouvements, qui lancent toujours des mouvements, ils aiment les contrôler. Ce qu'on lance, on le contrôle. On ne va pas lancer des trucs qui vont partir dans tous les sens et on ne saura pas quoi faire. Non, on contrôle. Essayer de contrôler une foule sur une place, c'est pas possible. Surtout quand il n'y a pas de leader et pas d'équipe dirigeante. Vous ne pouvez pas la contrôler, une place est incontrôlable. Alors qu'un cortège, les stratégies, les tactiques, les moyens, les trucs pour contrôler un cortège, tout le monde les connaît. Il suffit de mettre les bonnes personnes à l'avant avec les bonnes banderoles, de mettre les camions sonos qui vont débiter de la musique de façon à ce qu'on... ou des slogans pré-établis, pré-enregistrés. Contrôler un cortège, c'est le béaba de n'importe qui. Donc je pense que la disparition des grandes manifs sur les places, leur remplacement par des cortèges en pantoufles, c'est une résultante de l'apparition des syndicats et des partis, et que la résurgence des mouvements des places, c'est la fin de cette vieille politique pourrie dont on assiste à l'agonie en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, le mouvement Nuit Debout, c'est une réappropriation de la politique, quelque part, par des lieux, à travers des lieux, parce que la politique, c'est un lieu, il faut trouver un lieu. Et les entreprises, est-ce que c'est pas un lieu intéressant ? On est quand même sur une, Est-ce que c'est juste le Nuit Debout sur la loi travail, donc on est sur une question de militantisme dans les entreprises, sur la question du travail, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général, global? Je pense que le phénomène de Nuit Debout dépasse largement la protestation contre la loi machin-chose. Machin-chose. Ouais. La loi licenciement. Voilà. Ouais. Cette loi qui nous explique que pour combattre le chômage, il faut faciliter les licenciements. Ce qui veut dire que le mal est plus profond. On se réapproprie des lieux, on se réapproprie la politique. Est-ce qu'on peut appeler donc à une espèce de changement de régime, on va dire, ou changement de quel est régime, l'objectif, en fait ? Changement de régime, c'est pas une formule qui me plaît tellement, parce que ça veut dire qu'on va prendre un régime et en mettre un autre à la place. Ça veut dire qu'on va sortir du fauteuil un certain nombre de gens pour mettre dans les mêmes fauteuils d'autres gens. Ça, je crois que c'est pas la peine. Sixième République, tout ça, c'est de la blague. C'est pas la peine de se fatiguer. Vaut mieux rester à regarder la télé. Je crois vraiment que l'idée qu'on va prendre un régime et le remplacer par un autre régime... Moi, je crois que cette vieille politique, disons... La démocratie parlementaire, c'est pas si vieux que ça. Ça a 2 siècles et c'est en train d'agonir sous nos yeux. Ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est très nouveau. Parce que il y a encore 5 ans, on disait, ben il va y avoir des élections et vous allez voir ce que vous allez voir. Là, les élections qui vont avoir l'année prochaine, ça paraît quelque chose qui relève de l'obscène ou du comique, enfin ça dépend si on est... Donc on appelle à la démocratie directe ? Est-ce que tu avais écrit un livre là-dessus, sur les premières mesures à prendre, les premières mesures révolutionnaires à prendre, enfin c'est quelque chose sur lequel il y a une réflexion que tu instruis depuis un bout de temps ? Oui. Moi je pense, mon sentiment, c'est qu'il faut... il faut tout de suite créer l'irréversible. Il faut... Quand nous aurons abattu le régime, ce qu'il faut éviter par-dessus tout, ce qui est toujours le désastre, c'est on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester sans gouvernement, on constitue un gouvernement provisoire. Ou un gouvernement provisoire s'autoproclame. Ça, c'est le premier temps d'une séquence qui est tout à fait classique, qui s'est produite en France en 1870, qui s'est produite en Tunisie et en Égypte. Un gouvernement provisoire autoproclamé. 2, on promet des élections. 3, on élit une constituante. 4, cette constituante écrase la révolution. Cette séquence-là, on la connaît. Donc, quand nous aurons abattu ce régime, pas de gouvernement provisoire. Surtout pas de gouvernement provisoire et surtout pas de constitution. Et pas d'élection, évidemment. Et pas de démocratie, alors ? Comment on retrouve la démocratie, alors ? Excuse-moi. Est-ce que c'est pas un risque incroyable aussi ? Parce que l'inverse, sans pouvoir politique, ça peut être aussi très très dangereux. On est un pays qui est... Comment on fait ? Je n'est plus le culte du mot démocratie. Parce que ça recouvre de façon tellement étroite l'idée d'élection et de parlementarisme. C'est lié. Alors quoi vous voulez vous, comment vous allez choisir les élites? On ne veut pas d'élite. On ne veut pas choisir. On veut régler nos affaires nous-mêmes. Parce que finalement, on vit dans la grande mystification que tout est affaire de grandes décisions à prendre d'en haut. C'est pas vrai. Moi, vous avez rappelé gentiment que j'avais été chirurgien autrefois. Moi, je peux vous dire qu'un ministère de la Santé publique, ça sert à rien. C'est vraiment typiquement... Un ministère de l'Éducation nationale, c'est fait que pour arrêter des bêtises. Ces ministres, ça ne sert à rien. Ça, c'est tout à fait inutile. C'est pas que c'est inutile, c'est nuisible. Alors explique-moi pourquoi ça sert à rien un ministère de la santé publique, par exemple, pour décider de grandes politiques de santé publique, pour faire face à des pandémies, pour ça peut aussi être une vision positive au service de tous, un ministère de la Santé. Je crois qu'il faudra, pas qu'il faudrait, mais qu'il faudra quelques instances régulatrices distinctes. Par exemple, il faut décider qu'est-ce qu'on fait des médicaments. Qu'est-ce qu'on fait de la prolifération incroyable en France, c'est spécificité française, d'un nombre invraisemblable de médicaments. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'utile, qu'est-ce qu'il n'y a de pas utile? Ça, il faut que ça soit décidé d'une façon collective. Mais les questions comme ça, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il n'y ait aucune discussion et que ça soit chacun dans son coin. Il faut des réunions de gens qui n'en tirent aucun bénéfice, aucun profit, qui sont... Est-ce que c'est possible, ça? Oui. Comment on peut le présupposer ou le présavoir? Comment trier? On dit, voilà, il va y avoir à Tours ou à Reims une grande semaine où on va discuter et prendre des décisions. Que ceux que ça intéresse viennent. Voilà. Et les gens viendront. Et le tirage au sort, c'est pas aussi une solution, quelque part? Tirage au sort de quoi? Tirage au sort d'un gouvernement? Tirage au sort de ministres? Non, non. Je crois qu'il faut arrêter de penser que tout est question de grandes décisions à prendre d'en haut. Donc, tirer au sort, je vois pas qu'est-ce qu'on tirerait au sort. Si tu gardes le même système, tu fais que changer le personnel. En tirant au sort? Oui. Non, c'est vrai que si ce système parlementaire avait été animé par des gens malins, ils essayeraient de le sauvegarder en prenant des mesures du genre tirage au sort, du genre mandat non renouvelable, du genre mandat révocable à tout moment, une série de mesures comme celle-là. Je pense que ça ne marcherait pas, mais ça aurait été leur seule chance. Ils l'ont raté. Bon. Ça veut dire que c'est fini, là? Oui, je pense que la démocratie parlementaire, c'est fini. Il se passe des choses invraisemblables. La campagne électorale du Parti démocrate en Amérique, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement singulier qui montre que même dans ce pays qui paraît vraiment, d'abord, qui a une des plus anciennes démocraties parlementaires au monde, hein, Angleterre, États-Unis, eh bien, le succès d'un type qui se déclare dans ce pays là-bas socialiste, ce qui est plus que rouge, ça prouve qu'il y a là-bas aussi de l'eau dans le gaz. Dernière question, hein, peut-être. Dernière question, parce que là on va aller vers la fin, mais plus largement sur la séquence qu'on est en train de vivre. Je sais que c'est un peu tarte à la crème comme question, mais ce qui se passe là, tu nous dis que ça a eu lieu à d'autres époques. Enfin, mettons qu'on a fait une pause de 150 ans dans l'occupation des places. Au final, qu'est-ce que tu vois comme avenir à un mouvement comme ça? Je sais qu'on a toutes les chances de dire n'importe quoi quand on fait des prédictions, mais qu'est-ce que tu vois comme avenir à un mouvement comme celui-là? Je crois que ce mouvement a abouti à un... On était dans une plaine, et là, ce mouvement a abouti à ce qu'on soit sur un plateau. C'est un progrès épatant, et... Il y a toute une jeunesse qui a acquis au cours de ces événements sur cette place et équivalent en province, peut-être encore plus en province, une conscience politique qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est irréversible. Et qu'est-ce qui va sortir de ça? Que du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous allez continuer avec vos caméras. Oui, tout à fait. On va continuer avec la TV debout et je remercie la radio de nous avoir accueillis chaleureusement. Merci à merci tout le monde, très flatté. Merci à Eric Hazan. Et puis nous, on va continuer sur la radio avec un reportage qui a eu lieu hier générale, entre les. Pas encore, mais il va falloir que je meuble. Qui a été faite sur la manifestation d'hier. On a des sujets, tant mieux. Sur les manifestants et les services d'ordre hier soir. On écoute ça tout de suite. On va par là. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est crève. Police partout. Justice nulle part. Réveillez-vous, c'est Radio Debout. Vous êtes toujours sur Radio Debout, place de la République, où une pluie diluvienne s'est abattue sur nous. Et donc du coup, on accueille un petit peu comme l'Arche de Noé tous les gens qui essayent de ne pas se noyer sur la place. Mais on va continuer l'antenne, hein, y a pas de souci. Du coup, il va y avoir un petit peu de bruit, d'ambiance. Mais voilà, c'est la chaleur humaine, c'est normal, c'est Radio Debout. Alors j'accueille avec moi Julien qui fait partie de... J'accueille avec moi Julien qui fait partie de la commission Convergence des Luttes. Salut Julien. Salut. Alors, donc toi tu es venu nous parler de cet AG que vous allez organiser vendredi prochain, une AG de séparation du MEDEF et de l'État qui est organisée avec Attac. Alors, avec Attac et Sud-Commerce, pardon. Qu'est-ce que c'est cet AG de séparation du MEDEF et de l'État? Alors c'est une assemblée populaire qui se déroulera donc devant le MEDEF et pendant laquelle il y aura des prises de parole de collectifs affectés, des gens qui sont syndiqués ou non, et qui sont aux prises quotidiennement avec les difficultés au travail ou les difficultés à en trouver. Voilà. On aura des interventions donc, de collectifs en lutte, de spécialistes, aussi des questions, des intervenants spécialistes, donc sur le code du travail, avec Emmanuel Dauquès, les intermittents, on aura Samuel Churin, intermittent et précaire, sur le TAFTA, donc les conséquences sanitaires, protection des consommateurs, environnement avec Geneviève Vazan. Les questions du big data, donc de la transmission des données et de la surveillance généralisée de tout un chacun, de tous les citoyens. Et puis des interventions de commissions, commission écologie politique, commission féministe sur le féminisme, mm-hmm. hein, qui sont première concernée par les questions de précarité à l'emploi. Et voilà. Et sur l'évasion fiscale aussi, après les Panama Papers, donc Lucie Valtrinet, le néocolonialisme et d'autres sujets. Voilà. Ouais. Donc des prises de parole de collectifs en lutte, des intervenants spécialistes de ces domaines, et puis des débats dans l'Assemblée pour donc discuter de cette collusion hein, entre le MEDEF et l'État qui est censé... C'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu comme la séparation de l'Église et de l'État, là c'est le MEDEF et l'État, comme si le MEDEF était devenu le sort de bras armé de l'État, c'est ça, c'est ça votre idée? C'est un petit peu ça, oui. Il y a évidemment le parallèle avec la loi de 1905, ouais. Et puis le MEDEF. Oui, et puis on peut voir toute cette question de consommation et tous ces dogmes économiques comme une véritable religion. Croissance égale emploi, fait, etc. Ouais. Alors qu'on n'a pas les ressources, on détruit l'environnement et on détruit surtout les vies des gens maintenant et à l'avenir aussi, les conditions même de vie des sociétés. Et alors, ça va être quoi? Alors, vous entendez sûrement le bruit de la pluie derrière. Désolé pour ces petites... voilà. Donc... Et l'orage. Waouh. Alors, nous n'allons pas mourir et nous allons enchaîner sur Radio Debout. Ça va être quoi le programme de ce meeting? Parce que vous allez arriver en fanfare. Vous avez prévu une arrivée voilà, en fanfare. Donc, on arrive avec en fanfare et casserolade. C'est-à-dire qu'on invite les gens à venir avec des casseroles, des louches, etc. Donc, arriver en fanfare et casserolade. À 17h, donc vendredi 20 mai prochain, devant le MEDEF 55 avenue Bosquet, métro école militaire. Donc, arrivée en fanfare, oui. Intervention et témoignage, comme on l'a dit. En casserole d'ailleurs. Pardon ? En fanfare et en casserole d'ailleurs. En fanfare et en casserole, ouais. Pourquoi cette tradition des casseroles ? Oh, les casseroles, bah, c'est un petit peu le symbole qui se. Après l'Argentine, après l'Espagne, après pas mal d'endroits dans le monde. Hein, la casserole, c'est un petit peu le symbole de ce que chacun chez lui. De la chose la plus simple qu'on peut trouver à portée de main pour se faire entendre, en fait, hein, se faire entendre. C'est un peu ça aussi les casseroles. D'accord. Et ensuite ? Donc ensuite, on a parlé hein, des collectifs affectés, des intervenants spécialistes hein, de certains domaines. Et puis, donc, Assemblée populaire de débat, il y aura un vote, un avis, en tout cas, qui sera demandé à l'Assemblée sur l'opportunité de se prononcer, est-ce que l'Assemblée se prononcera pour cette séparation du MEDEF et de l'État. Donc on votera avec des cartons, en principe rouge et vert. Et il y aura des choses un petit peu plus drôles aussi sur le plan chorégraphique et scénaristique. Hein. Ouais, on sent. Voilà, et puis on terminera en concert. Il y aura une cantine sur place. Il y a pas mal de commissions de Nuit Debout ici qui dépêcheront une partie de leur logistique, etc. Bon. Et puis, voilà, j'en oublie. Ouais, ça fait déjà un sacré programme. Alors, on donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Debout, donc, vendredi 20 mai, à quelle heure ? 17h. 17h, devant le MEDEF. Voilà, 55 avenue Bosquet. 55 avenue Bosquet. Au métro École Militaire. Voilà, on leur donne rendez-vous. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Mathilde. Et là-dessus, on va enchaîner avec une... Alors on va enchaîner avec, normalement, une prise d'antenne de la commission féministe, si elles veulent bien arriver. Voilà, donc je vous explique qu'on est toujours sur Radio Debout, tout le monde est sous la bâche de Radio Debout, là. en essayant de maintenir la bâche le plus haut possible. Pour... Tiens. Bon alors voilà, on est place de la République. Ça envoie là ? On est donc place de la République. C'est nuit debout, mais c'est surtout nuit mouillée, puisque il s'est mis à pleuvoir de manière excessivement intense et que la place s'est immédiatement vidée et seules les quelques petites tentes, les quelques petites tentes qui sont sur la place, celle de l'infirmerie, celle de la télé debout, celle de Radio debout, sont encore dressées. Et donc les gens sont venus se réfugier. Voilà, mais manifestement la pluie a fait disjoncter l'ensemble du système. Donc c'est plus radio debout, c'est téléphone debout. Et donc il y a quelques centaines de personnes qui sentent. On va continuer l'antenne de radio debout en passant le téléphone. En passant le téléphone à Mathilde, c'est de la radio excessivement rudimentaire. À ton tour. Mais c'est ça justement qui est drôle. Alors donc, moi je suis comme toutes les semaines pour le point féministe de Radio Debout. Et cette fois je suis avec quelque chose d'un petit peu original. C'est un groupe de rap, elle s'appelle Rappel. C'est un groupe de rap féministe. Donc nous avons ici Pauline, salut Pauline. Salut. Et nous avons... Erika. Voilà. Donc vous faites partie du groupe Rappel. Tout ça, ça a commencé par une page Facebook. Est-ce que l'une de vous deux peut me raconter ce que c'était que cette page Facebook Rappel ? Erika, peut-être ? Cette page Facebook Rappel, c'était au début un groupe Facebook pour pouvoir partager de la musique de meufs et de trans pour que la culture trans et de meufs. Genre pour qu'on soit un peu au courant, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on connaissait pas beaucoup d'artistes des meufs et des trans quoi, du coup voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, à partir de cette page Facebook, il y a eu un concert. Bah, en fait, en gros, cette page Facebook, on a commencé à être pas mal dessus et on a commencé à parler entre nous de qui c'est qui voulait faire de la musique et tout. On a commencé à avoir l'idée de faire peut-être des ateliers, tout ça. Et petit à petit, il y a un groupe de meufs qui s'est constitué en disant bah, nous, on a envie de faire de la musique. Et là-dessus, en fait, on a contacté une association féministe qui s'appelle le 8 mars pour toutes. Et on a organisé donc, du coup toute une soirée où on a ramené pas mal de gens, etc. Et notamment la majeure partie qui venait du coup de ce groupe Facebook, dont certaines de Marseille, certaines de Paris et d'autres de Lyon. Et alors, vous avez répondu avec ce groupe à une situation qu'on connaît un petit peu, c'est que le monde du rap notamment, c'est un monde très masculin en fait. On a répondu à quoi ? J'ai pas compris. C'est la situation du rap. En fait, le rap, c'est un monde très masculin. On connaît très peu, en fait, les rappeuses filles. Oui, très peu. Je peux citer sur le bout de mes doigts les femmes et tout qu'on connaît. Je suis désolée, je suis très perturbée par le bruit derrière, en fait. Oui, je suis désolée. Alors, désolée, il y a un petit peu de bruit dehors, mais c'est parce que le public s'est beaucoup rapproché. Vas-y. D'accord, ok. C'est juste que je peux citer sur le bout des doigts, en fait, les meufs que je connaisse comme artistes, Kazay, Bams, Millie Bloch, Kelly Arcana. Je pense qu'on est toutes dans ce cas-là d'ailleurs. Moi, ouais, j'en connais 4-5 quoi. Ouais, du coup, le reste, qu'est-ce que c'est ? Alors qu'il y a plein de meufs qui rappent, qui font des choses, mais mis dans une société patriarcale et du coup, les meufs sont invisibilisées. Comme partout, il y a toujours, c'est toujours une meuf, deux ou trois. C'est rare que ce soit dans une, comment dire, comme à l'Assemblée nationale, la parité. Voilà. Et alors donc vous agissez en ce moment avec la commission féministe, avec un truc, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais juste rajouter un truc, c'était que je tenais bien à dire que souvent on a tendance à considérer que le rap est plus sexiste que les autres musiques, c'est pas vrai. En fait, on a tendance à dire que le rap, c'est vachement plus sexiste aussi parce qu'on a envie de voir le sexisme en dehors. Et le rap, en fait, souvent représente les quartiers populaires et les personnes racisées et que souvent, en fait, on a tendance à considérer qu'eux sont plus sexistes. Alors qu'en fait, genre, le rap n'est pas plus sexiste que Claude François ou Johnny Hallyday. Mais c'était juste, genre, voilà. Le temps des colonies, c'est qui? Michel Sardou, le temps des colonies, tu vois, ben voilà, merde. En plus, il a chanté « J'ai envie de les violer ». Ah, ouais, ça c'est sympathique. Effectivement, oui. Tout à fait. Si on prend ces exemples-là. Mais c'est quand même le truc que je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à préciser, c'est qu'on n'est pas là pour dire que le rap est sexiste en fait. On est là pour dire que le rap est une musique qu'on kiffe et qu'on a envie justement de montrer. Le rap ou le coupé décalé, ou bien les musiques nigériennes, ouest africaines, le makossa. Voilà. En fait, c'est pas que le rap, c'est juste nous ce qu'on veut, nous ce qu'on désire le plus profond de nous-mêmes, c'est que des meufs, des trans se mettent à faire de la musique pour qu'elles puissent parler en leur nom parce qu'on en a marre en fait que les mecs soient tout le temps là en train de traiter de putes et de salopes, de vénales et de je ne sais pas quoi parce que comme si les mecs n'étaient pas vénales, mais comme si, bon bref, tu vois, genre la société elle est capitaliste, hein, chacun fait comme il peut. Quoi qu'il en soit, genre nous on est juste fiers de ce qu'on est et on veut le dire, on veut dire qu'on est là, qu'on existe et qu'on n'est pas juste des marchandises. Voilà. Ouais, c'est très important ça, de dire que les femmes, c'est pas simplement la bonasse qui se trémousse dans le clip, quoi. Donc là, vous agissez en ce moment avec la commission féministe, avec un cinétract qui a été tourné. Alors ça s'est passé comment, votre collaboration avec la commission féministe? Le cinétract, il s'est bien passé. On est venu plusieurs fois sur la place, on a pris la parole et on a rappé pour dire voilà, on est là. On a rappé sur une musique qui s'appelle « Je suis une... et puis quoi ?». Du coup, ça dénonce le racisme, le sexisme, l'homophobie. Voilà, et du coup, ça rentre dans les thèmes de la lutte féministe. Du coup... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le micro, en fait, pendant la commission féministe, et là, vous avez rappé. Ça a dû leur faire un sacré choc. C'est plus facile, des fois, de rapper que de parler. C'est... En fait, souvent, je sais pas pour toi, Erika, mais en tout cas, des fois, je me dis que tu balances un texte super fort et tu cries, etc. Et en fait, tu peux crier sur les gens quand tu chantes, mais tu peux pas le faire quand tu leur parles. Et quand t'es dans un débat, quand t'es dans à la commission, etc., etc. Quand t'es dans un débat, etc., il faut toujours que tu contrôles ce que tu dis, que tu contrôles ta voix pour pas choquer les gens. Parce que justement, souvent, genre, quand quelqu'un il est dominant, tu vois, et ben, lui faire entendre qu'il est dominant, en fait, ça passe pas. Il faut que tu le fasses gentiment, il faut que tu le fasses doucement, sauf en musique. En musique, tu peux balancer tout ce que t'as, et tu t'en fous. Et du coup, c'est vachement plus facile, en fait, de prendre le micro et de faire une chanson qu'on a déjà écrite. Enfin, tu vois, que Erika a déjà écrit, parce que pour le coup, moi, je fais souvent les bacs et tout. mais c'est vachement plus facile comme ça. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, vous avez tourné un cinétract. C'est quoi un cinétract? Un cinétract, c'est un tract en image, en fait, en vidéo. Du coup, on a juste rappé. On a rappé et en bref, c'est je suis une pute et puis quoi? Je suis une goudou et puis quoi? Je suis une blédarde et puis quoi? Je suis une féministe et puis quoi? Et ensuite, on a rappé ce qui allait voilà, avec. Et du coup, voilà, du coup, ça rentrait totalement dans le cadre des luttes féministes, en fait. Genre, tout ce qui est la prostitution, l'homophobie, les migrants, ou bien... Voilà, tu vois. Parce que, par exemple, moi, je suis camerounaise. Et dans mon pays, les homos, en fait, ils vont en prison. Du coup, immigrer aussi, c'est une chance de ne pas mourir, en fait. Et du coup, il faut arrêter de stigmatiser les immigrés, tout ça. Parce que moi, je suis une immigrée, par exemple. Je ne suis pas une immigrée à cause du fait que je sois lesbienne, parce que je suis venue ici quand j'étais jeune. Mais je suis une immigrée, parce que j'ai toujours mon titre de séjour. Voilà, et tout ce qui est question de papier, c'est très difficile en fait. Les gens pensent que genre, tu as des papiers comme ça en claquant des doigts, ou bien tu as la carte de résident, ou bien... Je veux dire, il faut toujours fournir des papiers, il faut correspondre aux normes. Et des fois, on est dans une crise en fait, et des fois... T'as pas les papiers qu'il faut, quoi. Voilà. Et alors, j'ai entendu Billy Breloc, qui est une rappeuse féminine, qui est assez connue, et qui explique que pour elle, la notion de rap féminin, ça veut rien dire, en fait. Et qu'il faut considérer une rappeuse, pas comme une femme d'abord, mais d'abord comme une artiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, on en a un peu parlé. C'est pas que je considère que le rap féminin c'est pas bien ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est juste que quand j'ai vu la dernière fois, il y avait plein de compiles qui étaient sortis de plein de types de rap et du type de rap féminin avec dedans des rappeuses qui parlaient toujours en fait de plein d'autres choses et qui pouvaient rentrer dans plein d'autres catégories. Et si je pense que le fait d'être une femme, c'est effectivement important. Parce qu'on sait toutes les galères que t'as dû traverser pour arriver à ce point-là. Est-ce qu'un rap féminin, il existe? Bah, pas forcément. Quand je vois que Kenny Arcana, elle est classée dans le truc de rap féminin, alors que clairement, elle fait du rap militant, elle fait du rap engagé, elle mériterait, enfin, c'est pas qu'elle mériterait, parce que le rap féminin, c'est aussi très cool. Je sais pas si jamais ça existe vraiment, mais juste, il y a un espèce de bidule où on est toujours considéré, en fait, à côté. Il y a les choses qui sont normales, et quand tu fais partie d'une minorité, tu es d'un coup, un truc particulier. Tu vois, c'est comme si d'un coup on disait genre il y a le rap, il y a le rap féminin, il y a le rap homosexuel. C'est complètement débile. C'est dire en gros que il y a la normalité et la norme qui est au final une norme masculine, blanche, française et les autres. Et hétérosexuelle. Hétérosexuelle évidemment, et cisgenre et de classe moyenne. Supérieure et de classe moyenne, et que les autres en fait une minorité, que du coup ils méritent d'être remarqués. C'est d'un coup on pourrait créer le rap homosexuel, le rap machin bidule, le rap truc mûche, et en fait ça n'a pas vraiment de sens dans le sens. Le rap de roue. Oui, et en fait moi ce qui me préoccupe plus c'est le fait qu'il y ait des choses invisibles. Les hommes sont invisibles, les blancs. Je suis blanche aussi, on est invisible. Et les autres, en fait, c'est des particularités. Et qu'est-ce que c'est la norme, en fait? Et qu'est-ce que c'est les particularités? Et du coup, bah oui, le rap féminin, je trouve que c'est bizarre comme catégorie. Et en même temps, je comprends aussi que ça existe. Parce que c'est très rare des rappeuses femmes. Du coup, je sais pas, c'est ambivalent. Tout à fait. On va devoir y aller. On enchaîne avec Pierre, donc qui va prendre l'antenne s'il est pas loin. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est normal, salut, mais merci voilà. À vous. Désolée pour les conditions un petit peu à l'arrache de réception. Et donc, on va enchaîner avec Pierre, c'est parti. Eh bien oui, ça, c'est parti. On va continuer Radio Debout dans des conditions un petit peu sportives. Et on est avec notre envoyé spécial dans le mouvement Nuit Debout, Tariq, qui est avec nous. Tariq, la semaine dernière, tu nous as promis le rebond du mouvement, le 49-3, ça nous vénère. On va se les faire. Je vais savoir ce qui s'est passé depuis tes belles promesses. Alors oui, Jean-Michel, nous vous parlons depuis la tempête. La révolution est annulée pour cause de pluie. Plus sérieusement, je ne l'ai pas prédit. Hein. Moi, je n'ai pas dans le marc de café, j'ai pas de boule de cristal. Après, c'est sûr que 49-3, ça nous a un peu énervé, ça nous a un peu réchauffé. Malgré ce temps, cette météo qui est l'allié direct du grand capital et du gouvernement. Et, l'allié objectif. Non, là, c'est clair pour tout le monde. Hein. Depuis le début de cette mobilisation, on a plus utilisé de parapluies que de drapeaux. Donc bon. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, quand même, une semaine très échauffée, des manifestations quasiment tous les jours, des nouveaux secteurs qui partent en grève. Aujourd'hui, des villes bloquées, des raffineries bloquées, les rails de Saint-Lazare occupés, c'était magnifique. J'en ai même un boulon dans mon sac, mais ça c'est un secret, faut pas le dire. C'est parce que ma sœur avait, pendant le mouvement du CPE, récupéré un boulon sur les rails d'Austerlitz. Moi aussi j'ai fait pareil pour lui montrer, voilà, on se passe la flamme et j'espère que c'est la dernière, que ma petite sœur de 4 ans n'aura pas à le faire parce qu'on aura déjà fait la révolution. Donc tu as suivi depuis hier grève, aujourd'hui reconductible, demain jeudi 29, ça doit continuer. Tu gardes le même optimisme que la semaine dernière sur la capacité du mouvement à rebondir? Ah grave, de toute façon on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de pas être optimiste maintenant, sinon on peut rentrer chez nous et se dire que bon bah On est le quoi, 80 mars là, pour rien. Puis très honnêtement, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire dans l'ancien calendrier. Alors bon, on va pas arrêter ça avant mon anniversaire parce que je compte bien faire la fête sur la place. C'est très difficile de discuter dans ces conditions. Qu'est-ce que je disais? Oui, demain. En plus, ça commence à Saint-Denis, il y a une action. J'adore, moi. Le truc que j'aime le plus avec les actions, je crois, c'est leur nom. Demain, c'est Action El Chapeau. Et donc, je sais pas bien ce que ça veut dire. C'est le grand mystère. C'est un peu Pâques tous les jours avec les actions de ce mouvement. Mais ce que je sais, c'est qu'on a déjà fait une action Star Wars quand c'était Paris 1 qui contre-attaquait. L'invasion des CRS dans la fac. On a fait une action Chouchou qui était une action qui se passait au MEDEF pour fêter la fin pour fêter la mise en retraite de Gattaz, et elle s'appelait Chouchou pour faire une diversion parce qu'ils pensaient qu'on allait occuper une guerre. Moi j'adore. Donc on a fait Star Wars, Chouchou, maintenant El Chapeau. J'espère que le mouvement va durer très longtemps parce que quand même ça devient très créatif ces noms d'action, c'est très drôle. Puis pour terminer, Tariq, il y a quand même une manifestation dont tu t'es bien gardé de nous parler, alors qu'ils sont venus dans ton salon, dans ta salle à manger sur la place de la République. C'était aujourd'hui, c'était l'UNSA et Alliance, les syndicats de policiers, qui sont venus manifester aujourd'hui. Mais ouais, mais en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un peu du mal à nous trouver chez nous pour nous donner nos interdictions de manifestation. Du coup, ils ont pensé que c'était bien de venir directement sur la place, vu qu'on habite tous ici. Et je me garde de parler de cette manifestation, c'est même pas drôle. Les chiffres de la police, c'est les mêmes que les chiffres de la police. Donc bon, forcément, c'est pas rigolo, quoi. On sent bien qu'il y a quelque chose. Non, mais sérieusement, on va pas parler d'une manifestation avec le Front National dedans. La dernière fois, c'était pour la manif pour tous. On a vu comme ça a fait des dégâts dans la société. Je pose en contradiction des journaux qui disent oui, on vous aime, non, on n'aime pas la police quand ils nous tapent dessus. Et ceux qui aiment encore la police, ils feraient bien de venir en manifestation et ils verraient quelle est la réaction des flics. Et puis de toute façon, bon voilà, on a bien compris quelle était ce soir la réaction de la police aux voitures cramées. Ils nous foutent de la pluie et des orages, tempêtes. Donc bon, non, on soutient jamais la police dans ces appels d'amour et ces crises d'angoisse d'être les mal-aimés de la société. Ça me ferait presque pleurer. Allez. Bon, Tariq, merci. On te retrouve la semaine prochaine pour tes nouveaux bilans, nouvelles perspectives, nouveaux reportages. Ouais, avec grand plaisir. Et samedi soir, il y a une soirée pour les meufs à la mutinerie. D'habitude, c'est les soirées Marx, Engels, Lénine et Beyoncé. Et là, cette fois-ci, ça va être une soirée Louise Michel, Rosa Luxembourg. La dernière c'est qui, putain? Il y a Beyoncé à la fin quand même et Angela Davis évidemment. Voilà. Donc pour toutes les féministes de Paris et tous les féministes de Paris, c'est à la mutinerie que ça se passe samedi soir parce que la révolution sera féministe ou ne sera pas. Allez, c'est mon mot de la fin pour cette nuit. Bon courage avec la pluie et voilà. Merci Tariq. Je me retourne vers mes petits amis. Je crois que on va dire au revoir, qu'on va arrêter cette antenne pour ce soir parce que tout le monde est trempé et que la place de la République est quasiment vide tellement la pluie a participé à vider plus efficacement qu'un bataillon de CRS la place. Je crois qu'on est allé au bout du bout là pour ce soir. Allez, à vous Cognac J'ai. Bonne nuit, Radio Debout.